Et donc, il est bien? Très bien. J'ai gravement apprécié. Je l'ai regardé un peu par hasard, mais oui. Tu l'as vu sur quoi? Dans des conditions. Au cinéma? Bah non, le 20, je l'ai vu au cinéma. Ah, c'est le 20 que t'as C'est vu? le 20 que j'ai vu. Ah, d'accord. Oui, non, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, loin, moi. C'est pour ça. Bah Je oui, pensais que mais. t'avais vu Mais un non, autre, je en suis fait, en que je n'avais pas retard. vu. Je suis en retard. Moi, c'est un film que j'aimerais bien voir, là, en ce moment, qui passe au Cinoche, là. C'est le truc avec les morts-vivants. Ah, le nouveau truc là, le Ah, truc de Jim Jarmusch, où il ouais. y a une cascade d'acteurs. Ouais, Ouais. carrément. Et tu devais pas aller te faire faire un truc, toi? Ah si, ça? C'est sûr que t'as fait faire? Ouais, ben. Ben, je l'avais pas avant. Bah, c'est pour ça que je me dis, tu vois, c'est marrant, il me dit rien celui-là. Celui-là non plus, je l'avais pas avant. Si, t'avais autre chose. Ben, j'avais celui-là, mais pas celui-là. Et t'as refait faire le premier? Ben, j'ai repassé le premier, Mais j'ai... attends, il y a un truc qui merde sur le deuxième. Non? Non, pas Non, mais il celui-là. cicatrise encore. L'autre. Sur celui-là? Ah ouais, non. Putain. Et là, c'est quoi, là? Ben, là, en fait, c'est la... C'est Life Won't Wait de Rancid. Mais t'as fait ça Le quand? crâne, ben, j'ai fait ça il y a 15 jours. J'ai même pas vu la semaine dernière. Non, c'est parce que la semaine dernière, j'étais décédé. Et du coup, on s'est pas vu. C'était pas moi, en fait. Si, si, non, mais j'avais des manches longues, c'est pour ça. D'accord. Bon. Très bien. Ok. Bon, bah, on y va. C'est parti! Attends, parce que j'ai pas encore ouvru Et les moi non bières. plus, on n'a pas ouvert de bière. Teste-moi. Attends, parce que... On Eh, fait un c'est dans switch. un mois, quand même. Ben, Un mois. bah, un Déjà. tour. Ah, va falloir qu'on se termine. Bah ouais, parce qu'il nous reste 160 groupes à chroniquer. Du Non, coup... non, non, non. Hein? Beaucoup moins. Oh la vache, attends. Kling. Klung. Eh, on le tient. On le On le tient. tient, on le tient. Et bienvenue après 2 minutes dans cette saison 3, épisode Déjà? 21 de Road Bon. to Bon, Hellfest. on les recoupera à la fin. Voilà, les gars. On les recoupera. Bah, Ah, on... on retirera 2 minutes à la fin. Ouais, Bah, parce qu'il n'y a pas de raison que vous soyez volés, ouais. vous, gentil auditeur. Ah, pardon, il boit. Il boit, attendez-moi. Attendez-moi, Ouais, c'est attendez-moi. mal poli de pas boire quand tu crinques. Mon Dieu, qu'elle est bonne, cette Bud. Bah, en cette fin de journée, je trouve qu'elle est plutôt Elle est appréciable. sponsorisée par moi-même, d'accord? Ah, et Donc, la pub de alors, personne cette semaine. félicitations à Parce que je toi-même. me suis fait en fait. J'avais de la monnaie pour payer, mais j'ai été au truc à carte bleue, donc. Ça m'arrive souvent, ça. Je me suis fait eu. Donc voilà, donc une émission qu'on espère assez courte parce qu'il est déjà quasiment 19h. Donc Bravo. va falloir qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Donc je te propose. Ah bah, j'en oublie les Ouais. politesses d'usage. Alors. Alors, Bob, as-tu passé une bonne semaine? Point Super. d'interrogation. Moi, point d'interrogation, c'est gentil de demander. Bah, j'allais en fait. Alors, Je veux dire, as-tu passé une bonne super et toi? semaine? Super et toi? Oui, normal. Cool. Bah super, oui, j'avais Death Angel pour m'accompagner. Ah, ça y est, enfin, Wouhou! en fin de saison de Road to Yes! Hellfest, t'as enfin le groupe. J'ai enfin un groupe. Un groupe. Enfin un groupe Un groupe que que j'ai tu demandé. souhaitais. Merci Seigneur. Merci, Papa Noël. Donc, et toi? Oui, rien de spé? Génial. Rien de spécial. Alors, si on peut quand même raconter comment se passent un peu les offs de Road to Hellfest. On a le droit. On a le droit, donc vendredi, on échange quelques SMS. Et là, Bob me dit, eh, ça serait bien qu'on se voit hors podcast. Moi, je dis, tiens, peut-être un repas pour faire une réunion. D'accord. Et là, on se dit, ok, mais quand? Et il a dit, ah, ça, c'est la bonne question. Et nous en sommes restés là. Voilà. Comme à l'accoutumée, ah, Donc, ça ne change pas. on a beaucoup progressé. Oui, Donc, oui non, bah déjà, j'ai envoyé un message pour déjà. savoir. Déjà. C'est toujours mieux Que que pas. de pas. Voilà. C'est ça. Mais donc, voilà. Est-ce qu'on prend un engagement genre en live? Devant des millions de téléspectateurs? Oula, des millions. Téléspectateurs en plus. Oui, donc bah je sais pas. Tout est Est-ce faux. que tu as un créneau? Est-ce que j'ai un créneau? Bah, je finis à 17, donc après, pour moi, c'est bon. Toi, non. Si. Ouais. Bah jeudi. Ouais, Pourquoi pas carrément. jeudi? Est-ce qu'on Ouais. se met une option sur Jedi avec Ouais, je te voyais mal partir. Est-ce qu'on se met une race? Non, non, bah non, on déconne pas quand Non, une option pour l'instant. même. Oui, on peut se mettre une option pour Jedi, déjà. Voilà. C'est déjà. Comme Ouais. ça, très bien. Donc du coup, je te propose de passer directement à la rubrique Les sorties de la semaine ou ratées. Oh. Alors, cette semaine, la grosse sortie, la très grosse sortie de vendredi dernier, c'était l'album de Rammstein, Rammstein. Ouvre raté. Ou raté? Tu ne l'as pas écouté? Si, je l'ai écouté. Ah bon. Alors, qu'en as-tu pensé ? Oh, dis donc. Combien de fois l'as-tu écouté ? J'ai essayé une deuxième fois. J'ai essayé. Ah, pauvre homme. Tu l'as écouté combien de fois ? Je l'ai écouté 3 fois. Wow, ça va. Non. Une fois, un tiers, je l'ai écouté. Je suis pas trop loin de la moitié de ce que tu as fait. Non, non, je l'ai écouté 3 fois parce que mon avis était... En fait, je voulais avoir un avis un peu plus avisé et du coup, non. Bah, en fait, alors, moi, ce que j'en pense, c'est que je dirais, c'est un Rammstein sans surprise, qui est dans la continuité de ce qu'ils ont fait déjà par le passé. Je peux pas reconnaître qu'il a vraiment un effet bougeage de tête. Je trouve que, genre, quand j'écoutais, ça me donnait envie de bouger la tête, sans forcément que je me dise, ah, c'est trop bien ce que j'écoute, mais il y a un côté rythmique qui t'entraîne, qui marche bien. À côté de ça, je trouve que pour un album... tous les 10 ans, on va dire. Ouais, c'est ça. Ça manque de trucs en plus. Et pour moi, la meilleure chanson de l'album reste Deutschland, celle qui m'avait presque montré du Rammstein, mais avec une possibilité d'avoir quelque chose de nouveau. Et tout le reste de l'album m'a pas du tout emmené vers ça, quoi. Et les quelques tentatives de changement, genre peut-être un peu plus électro, par certains morceaux, ne m'ont pas convaincu dans l'absolu. Donc, c'est pas du tout un mauvais album. C'est un album de Rammstein, mais voilà, ici, il va marcher en live et tout. Les chansons sont presque taillées pour, mais j'ai pas été méga hypé par cet album, de mon point de vue. Ah bah, moi, de ce que j'en ai vu, c'est assez mitigé. Hein. Beaucoup sont déçus. Mais après, il y en a beaucoup qui disent oui, mais bon, ça reste du Rammstein. C'est du Rammstein. Voilà. Mais c'est vrai donc, que c'est pas le meilleur album. Je trouve que c'est plutôt. Ça reste dans le fait de dire que bah, c'est du Rammstein. Pour moi, je trouve que c'est une fatalité, quoi. Pour le groupe en lui-même, de se dire merde, ça y est, vous êtes catalogué dans ce. Bah voilà, ils font ça. Non, mais tu vois, si... en fait, peut-être que la différence, c'est que comme ils ont un style alors assez carré avec des espèces de riffs et de beats, qui se répètent, qui est assez commun de la musique industrielle de ce style-là, un petit peu, on reste catalogué dans une certaine. Dans quelque chose qu'on connaît, donc il y a moins de surprises. Si je devais faire un petit comparatif rapide, les 2 nouvelles chansons de Tool qu'on a pu entendre en live, elles m'ont déjà paru plus intéressantes que l'album de Rammstein, mais parce que le style de Tool est déjà beaucoup plus barré. Tu vois, et puis diversifié, je veux dire. En lui-même, voilà. mais en soi, il apporte forcément peut-être pas beaucoup plus de nouveautés, c'est juste que c'est déjà barré en soi. Ouais, ouais. Tu vois, donc c'est peut-être là aussi que ça se joue, quoi. Genre les méga fans de Rammstein ont peut-être eu ce qu'ils attendaient, ni plus ni moins, et les autres qui attendaient quelque chose, bah, elles l'ont peut-être pas eu, parce que pour moi, ça serait vraiment ça le truc, je dirais, peut-être le plus décevant, c'est que 10 ans ont passé et que t'as vraiment l'impression que ça fait 1 ou 2 ans, pas plus. Ouais. Voilà. Moi, et c'est mon petit truc, quoi. Il me manque ce petit côté, dire on a laissé passer du temps pour pousser le truc encore plus loin. Ils ont pas tenté des trucs. Moins. Voilà. Voilà. Eh ben, dis donc, tout ça sur Rammstein, eh ben... Il y a eu Possessed, l'album Revelation of Oblivion, qui est le premier album depuis très très très très longtemps, si tu t'en souviens de ma chronique Possessed avec le groupe, le chanteur. Oui, je me souviens. Dans un fauteuil roulant. Je ne l'ai pas encore écouté, donc je préfère pas. Pour ma part non plus, je ne sais pas pourquoi tu l'as mis, genre. Parce qu'il était sorti et qu'on l'a zappé. Ah bah voilà, bravo. Il n'est pas sorti vendredi, il est sorti déjà il y a 15 jours. Ah bah super. Whitesnake, avec un nouvel album que je n'ai pas écouté non plus. Et alors, jugez-moi, je m'en fous Internet. Je suis un dingue. Je te demande pas si tu as écouté. Non, me demande pas. Et Savage Messia, qui était au Hellfest l'année dernière et que j'avais plutôt bien aimé en chronique, mais que j'avais pas été voir, je crois, de mémoire. Et donc là, c'est un album que j'aimerais aller écouter. Voilà. Donc, je tenais à le dire, mais je les écouterai pour la semaine prochaine, c'est bon. Voilà. Les 3. Engagement de ma personne. Engagement. Est-ce que toi, t'as écouté d'autres choses ? Est-ce que j'ai écouté d'autres choses ? J'ai écouté plein de choses, alors c'est toujours la même chose, c'est compliqué les choses. Un bloc-notes, un crayon. Ouais, non mais j'ai l'idée, hein. Je veux dire, mais c'est toujours le manque de moyens, tu vois. On a les idées, mais là c'est pas vraiment les moyens là. Ouais, un bloc-notes et un crayon, c'est sûr. Au pire, je te les paye moi. En plus j'en ai plein, donc c'est pas le problème de ça, c'est le temps, je pense. Très bien. Donc, c'est une superbe rubrique, les sorties de la semaine. C'était merveilleux. Je l'ai surkiffé. Si je peux juste dire qu'il a tenu parole. Bob m'a prêté un album de Peter Pan. Speed Rock. Je l'ai écouté, il est dans ma voiture. C'est très sympa, très très bien. Alors, je n'ai pas vu par rapport, tu me disais en message, est-ce que tu as vu le lien avec Batmobile ? Je ne l'ai pas vu. Mais du coup, j'irai écouter le split pour voir. En fait, l'album que je t'ai prêté, qui est We Want Blood, ouais. Qui doit être dans les derniers qu'ils ont fait. Et certainement plus punk hardcore que, ouais, ce qu'ils ont dit, fait ouais. au début. Ils ont commencé vraiment par du psycho rockab. Et du coup, et je crois que même à la base, ils devaient s'appeler simplement Peter Pan. Tu vois. Donc, ouais. C'est après le deuxième album qui s'appelait Speed Rock, parce que justement, le deuxième album est une tuerie. Et voilà, donc ouais, après ils ont plus penché sur un punk un peu plus speed. Ah non, mais j'ai trouvé ça très bien. Du coup, c'est pour ça que t'as pas pu trop faire le lien avec Batmobile. Bah non. Parce que c'est plus trash, mais à la rigueur, je pourrais éventuellement te prêter le deuxième album. Ouais, non, mais qui est vraiment très sympa. Vraiment, on fera tout ça et je reviendrai régulièrement pour faire des mises à jour. Un groupe que j'aurais surkiffé. De voir. Ouais. Ouais, bah ça arrivera. Parce qu'ils sont passés justement au Fury Fest. Aïe. En 2000. Oui. Bah, l'année où j'y étais. Où j'y suis été. Comment Où tu étais présent. Voilà, c'est ça. Où j'étais présent. Où j'eusse été. Il faut qu'il recomplique le truc. Ouais, non, j'aurais kiffé les découvrir. Il n'est jamais trop tard, Bob. C'est ça. Enfin, après, si, parce que c'est un groupe qui a splitté, donc il n'existe plus. Eratum. Peut-être qu'il se reformera. Oui, sûrement, comme certains groupes se sont reformés. Voilà. Très bien. On enchaîne avec la... Alors, j'ai pas du tout marqué. Qui quoi ? Ouais. Qui où ? Je te propose, je commence et tu suis, puis on verra. Ouais, écoute. Oh. Attends. Non, alors attends, par rapport... Non, je commence. Tu commences. Non, je commence. Oui. Parce que de ce que j'ai lu tout à l'heure, c'était à moi de commencer. C'est vrai. attends, avant de commencer. On passe à la rubrique news. Rubrique news. Et du coup, la sponsor, elle kiffe les génériques ou... Mais non ? Pas plus, non. Tu crois qu'elle a écouté plus ? Ouais, super. Attends, si elle a du fric à dépenser, comme ça, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, moi, je juge pas les gens. Ouais, puis t'as son fric à dépenser aussi. Du coup. Et je me juge pas. Je te juge pas non plus, tu vois. Comme ça, on est plusieurs. C'est cool. La news de la semaine, c'est forcément plein de trucs sur Slipknot. Hein. À savoir... Prends des notes pour qu'on puisse en reparler. J'y suis, je prends des notes. Ok. Donc, la date de la sortie, le 9 août, on avait déjà. C'est vrai. Un titre, We Are Not Your Kind, plus un artwork. Ça, on n'avait pas. La tracklist de 14 titres, avec petite surprise, un nouveau titre, Unsated, sous la forme d'un clip où l'on peut découvrir les nouveaux masques et que Chris a dû être remplacé par quelqu'un. Et oui. C'est vrai. Parce qu'il y a quelqu'un dans le clip qui a un masque qui reprend le tout premier masque, mais légèrement différent. Ouais. Donc, voilà. Petite précision, le titre qui est sorti le 31 octobre dernier, All Out Life, ne figure pas sur l'album. C'est plutôt une bonne surprise. Bah, plutôt, ouais. Donc, peut-être qu'il y aura une version collector, machin. Ouais. À noter aussi qu'ils se sont produits sur la scène du Jimmy Kimmel Live. Ouais. Donc j'ai posté les deux vidéos sur la page Facebook de Road to Hellfest pour ceux qui veulent voir ce que ça donne, histoire d'avoir une idée de ce que Slipknot 2019 en live peut donner. Alors le clip de Corey Taylor est toujours, voire plus dégueulasse en vrai. Pour le reste, bah, vraiment, All of Life, j'aime beaucoup. Ce nouveau titre, je trouve qu'il est moins efficace. Je trouve un peu moins réussi. Mais bon. Pareillement. Voilà. En petite news complémentaire, on est obligé d'en parler sans vouloir s'étaler trop dessus, mais on a appris malheureusement dimanche soir que le clown, à savoir Sean Crane, a perdu sa fille de 22 ans. Donc on va pas passer 3 heures dessus. La cause du décès n'est pas encore connue et en plus il a demandé qu'on garde un regard privé. Voilà. Voilà. Bon. Comme ça a été assez discuté sur les réseaux sociaux et tout, on peut juste tenir deux mots. Je ne pense pas, ni toi non plus, que le groupe annulera. Parce que je pense que... Non, on n'en voit pas du tout. C'est pas une raison valable pour ma part d'annuler complètement... Bah, en fait, c'est que contractuellement, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre. Encore, il y a peut-être un système d'assurance. Si l'un des membres du groupe décède, un membre important, peut-être si Corey Taylor ou un truc comme ça. Mais là, on parle d'un membre de la famille. Par contre, c'est évident que peut-être que Sean ne sera pas là. Et qui sera remplacé ou pas. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout ça n'a pas d'importance. À partir du moment où tu perds un enfant, il n'y a rien de plus catastrophique que ça. Donc, c'est sûr. Road to Hellfest, même si ça n'a pas beaucoup de valeur pour lui, je pense présente toutes ses condoléances à la famille. Voilà. C'est une fourmilière. Tu prends. Passons à la news suivante. Voilà. Je m'en occupe. C'est à toi. Oui. Un autre groupe a pas mal fait parler de lui, et c'est Volbeat, le groupe danois de heavy metal rockabilly. Tiens, c'est marrant, t'as vu, parce que on était un peu sur du... Eh hey, mais carrément. Tu vois. Et du coup... Qui sortira son nouvel album Rewind, Replay, Rebound le 2 août, qui est aussi la date d'anniversaire de notre sponsor habituel. Et à savoir le... Fête. Hein ? C'est ma fête. Là. Ah oui, à savoir ta fête. La Saint-Bob. Bah, et donc, ouais, nous avons... Écoute... oh. Pardon, excuse-moi, je l'ignorais. Tu t'y penseras la prochaine fois. Complètement. Hein. Nous avons pu découvrir l'artwork et apprendre que ce serait un album de 14 titres également, avec un second disque pour la version Deluxe qui remplit de plein de trucs. Ne manque plus qu'un premier extrait pour se donner des petits frissons, et c'est le cas avec Léviathan. A noter également que le groupe passera par la France en octobre aux côtés de Danko Jones et Baroness. L'extrait, je ne sais pas si tu as été voir le morceau, moi j'y ai allé. Et j'ai pas du tout eu de petits frissons. Alors que j'aime bien Volbeat en général. Mais celui-là m'a laissé un peu ventre mou. Pour te donner un exemple de comparaison, je dirais dernier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Ça m'a fait un peu ça. C'est... Ouais. Ventre mou. Ouais. Voilà. News suivante. D'accord. Moi, tu vois, je vais te dire un truc. C'est très marrant que tu cites Baroness. Merci. C'est ça qui te faisait marrer. Oh, tu peux, sérieux ? Mais quoi ? Non, mais je veux bien. Non, que mais je Road suis désolé. Fest soit pas non plus. Je suis désolé. Hein ? Je suis mais désolé. Mais alors là, quand même. Moi, j'y ai pensé. Je me suis dit, désolé. Oh, vite. Pensons-y. Vite ton sac, Marie-France. <C'est>, ouais. ouais, ou Gisèle, éventuellement. Exactement. Parce que Baroness. Baroness, parce que. aussi, si tu veux. que Manius concerne justement. Baroness, t'es fou. C'est dingue. Comment ça? Comme toutes les semaines, c'est faux. Bref, le nouvel album, blablabla, le 14 juin. Tout ça, eh bien, figure-toi qu'il n'y a pas un nouvel extrait. Il n'y a pas que un nouvel extrait. Oh! Il y aurait une news cachée au sein non. de cette news. Bah écoute, regarde. Voilà. Ouh. Tipa. Comment t'écris toi il y a de la campagne. Quand on vous dit que c'est fait à la main, les gars, c'est vraiment c'est poncé à même l'animal vivant. Ah, hein, bah, c'est comment ça c'est rouillé. Tout ça. Eh bien, figure-toi, Tipa, que un nouvel extrait. Eh ben voilà. Figure-toi, Tipa. figure-toi, Tipa. J'écris comme je parle. C'est très mal. Et on parle de ma dyslexie, ma pétain. Ah, en fait, show me. Attends, j'écris comme je parle, plus ta dyslexie, c'est là que ça merde en fait. Ah mais c'est ça. C'est ça. Il en faudrait un ou l'autre, mais pas les deux. C'est-à-dire c'est pas compatible. Alors, donc le titre, Throw Me on Hanshaw, est dispo depuis la semaine passée, et donc, comme Baroness est le groupe de ta vie, et tu te sens tout chaud dans, dans ton dedans. Non, c'est le groupe de ta vie. Bah je sais pas, c'est ce qui est marqué. Oui, mais parce qu'en fait, comme non. Comme Baroness est le groupe de ta vie, tu te sens tout chaud dans le dedans. Ah bah c'est ça. Écoute. Oh mais merde, j'aurais dû mettre des prénoms. Écoute, bah alors. J'ai été très pris. Bah voilà. As-tu écouté ce morceau? Oui. Alors oui. Et donc? Non. Ah bon? Oui, non, je faisais... Putain, j'aime bien, moi. Je suis hyper impatient de l'album, ouais, vraiment. D'accord. Ah ouais, grave. Fou, ça. Pas toi, du tout? Bah, je sais pas, moi, j'ai un truc, ça marche pas, moi, ça matche pas, comme tu dis. Attends, tu sais ce que je me suis même dit? Putain, voilà, lui, il est cool, il a plus de cheveux, mais il assume, je devrais faire comme lui. Ah bah, c'est pour ça que vous vous retrouvez. Parce que toi, t'as des cheveux. Bah, plein. Putain. Des millions. Bon, pas d'accord. Donc, non. Bah, je sais pas. Les autres morceaux, t'avais bien aimé. Ça fait quand même 3 saisons, hein, Baroness. Hein. On va y arriver. J'ai dit, peut-être qu'un jour, ça matchera. L'avantage, c'est que si tu le crois, tu vas le reconnaître. Bah, hey. Bah oui, c'est ça. Là, je vais peut-être le confondre avec toi, et du coup... Hey, Jack, c'est bien, tu t'assumes. Mais là, c'est pas Jack. Tu vois, c'est pour ça. Allez. Veuillez noter le petit tu t'assumes, c'est bien. Alors, news suivante. Tous les gens qui écoutent ce podcast depuis un petit moment savent que Hollywood Vampire n'a pas une super place dans mon cœur. Enfin, disons que voilà quoi. Bref, le groupe, après avoir fait plein de reprises, se décide enfin à sortir de vraies chansons originales. Et donc cette semaine, c'est une version live officielle vidéo du titre The Boogeyman Surprise. Et j'ai pas été écouté en fait. moi, je vais te rassurer, moi non plus. Parce que comme ça, de but en blanc, c'est pas le truc qui m'attire le plus. Non, mais normalement, je vais aller écouter. Oui, mais on doit. Investigation. Normalement, on doit. Voilà. Y aller. Ouais. Donc, on va y aller. Voilà. Quand y va. On ne sait pas. Non, si, j'irai avant la semaine prochaine, j'y vais. Je pense qu'on en reparlera sur le site. Hein, quand vous nous croiserez, vous nous demanderez au pire. Alors, Hollywood Vampire. Oh. Là, on dira, oui, bon, écoute. Bon, voilà. Tout à fait. Au pif. Allez. Exactement. La semaine dernière, on vous annonçait que Hellier venait de trouver son nouveau batteur. Mm-hmm. C'est vrai. En fait, à relire les trucs, je pense vraiment qu'on a mal démarré les news. Tu crois? Ouais, c'est pas grave. Ah bon, bah écoute, au pire, tu prendras celle que... D'accord. Hein, tu me redis. Non, vas-y. Ouais, ok, d'accord. Et que le prochain album... Non, mais non, on reparle normalement. Là. Ah oui, autant pour moi. Et que le prochain album paraîtra le 27 septembre. Eh bien, un nouvel extrait intitulé Welcome Home est sorti dredi. Non, mais en fait, je rigole parce que j'ai oublié d'aller l'écouter aussi. Ah ouais. Eh ben, dis donc, grosse semaine. Hein. C'est clair, et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je pense que je vais le mettre dans la mise à jour. Ouais. Quoi, la grosse semaine? Non, mais les morceaux que... Ouais, tu l'as écouté, toi? Oh, putain, mais... Pareillement. Normalement, il y en a un des deux qui doit faire le taf. Mais normalement, oui. Et normalement, c'est moi, c'est ça? De base. C'est ce qu'on avait prévu, hein. Oui, je sais bien, je m'excuse. C'est dans mon contrat, moi, j'ai pas signé dans cette merde. Moi, je suis pas là pour... Je m'excuse. Écoute, on vous promet, pour la semaine prochaine, on aura écouté tout ça. Baroness, Hellier... Non, Baroness, j'ai écouté. Toi aussi? Waouh! Ah bah oui. Bah oui, on en a parlé en fait. Oui, c'est vrai, oui. Non, mais Hellier et puis Hollywood Vampire. Oui, c'est ça. Je vais t'envoyer des messages à chaque fois. T'as écouté? Le matin, au réveil. Alors, news suivante, parce que ça sert à rien de perdre du temps sur les trucs qu'on n'a pas écouté. C'est vrai. Après un réenregistrement d'une de leurs premières chansons, puis une reprise, voici que Trivium balance au calme une nouvelle chanson issue des sessions de l'album de Sin and the Sentences, qui était sorti en 2017, enfin fin 2017. C'est donc Drawing in the Sound qui viendra ravir tous les fans de Trivium, dont je fais partie. Toi, j'ai rattrapé la news que j'avais mal écrite du coup. Donc ça, je l'ai écouté. Donc je peux en parler. Le morceau est, je suis content d'avoir appris que c'était issu des sessions, parce que ça aurait été un nouveau morceau, j'aurais fait. Donc tu vois. D'accord. Bah non, il est pas nul, mais il m'a pas créé l'hype d'un nouveau morceau. Ouais. Donc, oui, mais c'est un ancien morceau, donc du coup... Voilà, tu vois, donc je suis moins déçu. Je te demande pas si tu l'as écouté. Si, tu peux me demander, mais je te répondrai non. Donc du coup, ça sert à rien que tu me demandes, parce c'est que vrai. Tu vois... Gain de temps. Tout à fait. News suivante, alors, du coup, là... Bah vas-y, prends. Ah, je l'enchaîne quand même. Vas-y, prends, okay, d'accord. Fais-toi plaisir. C'est ton podcast, après tout. Non, c'est notre podcast, on est deux là-dessus. D'accord, il y a toi, il y a moi, Jack et Bob, Road to Hellfest. Ouais, ok, d'accord. Ça veut dire ça, en anglais, Road to Hellfest. Ça veut dire Jack et Bob. Ouais, mais ouais, grave. Attends. L'autre jour, j'ai tapé justement sur... j'ai dit, oh, Google, machin, truc. Et il m'a dit, ça veut dire... Alors, tu sais, parfois, quand je galère à trouver le sommeil, il m'arrive d'avoir quelques pensées nocturnes. Oh, c'est beau ce que tu dis là. Ce qui est en totale adéquation avec ma news, à savoir que le groupe Pensée Nocturne, qui a sorti son dernier album Grand Guignol Orchestra cette année, a effectué une release party le 9 février dans la plutôt belle ville de Chelles que je connais bien. C'est vrai, j'ai beaucoup traîné, je me suis fait arrêter par la police. Et donc la vidéo intégrale est disponible sur l'internet de tous. Ce qui est plutôt une très belle initiative pour les gens qui aiment bien Pensée Nocturne, qui, je le rappelle, a été une... semi-découverte révélation de la saison 2 où j'avais expliqué très clairement que waouh, ça m'avait vraiment, c'est comme si ça avait mis de la musique sur tout ce que j'avais ressenti de négatif, mais malheureusement il n'y a aucun moment dans ma vie où j'aurais envie d'écouter ça. Ce qui est... une belle thérapie. Ouais, mais par contre, il est vrai que j'ai quand même envie d'écouter ce deuxième album déjà sorti et que j'ai pas fait. Bien voilà, sûr. Donc je te demande pas si t'as été voir ça non plus. Si j'ai été écouter Pensée Nocturne. Oui. Alors, j'en ai tellement toutes les nuits que, tu sais, au bout d'un moment... Ok, on va passer à la rubrique News Hellfest. T'en as, toi, des News Hellfest ? Aucune. Très bien. Donc, on approche, depuis qu'il a été fermé à l'accès au public, le Hellfest a commencé à publier des photos de la construction du site. Bien sûr, comme déjà dit par le passé, à savoir la semaine dernière, la discrétion reste de base pour éviter les fuites possibles des nouveautés. Même voire de mise. Et oui. Fait amusant, car c'est le Hellfest lui-même qui a décidé de parler des nouveautés. C'est bah ouais. Via le site actu.fr. Et donc, quoi de mieux pour éviter les fuites que de balancer déjà ce qu'on va avoir dans les nouveautés. Alors, c'est une espèce de mini-reportage de Alex Rebeck et de son assistant Victor, que nous avons pu rencontrer dans le tourbus du warm-up, car nous sommes des gens importants au sein de cette chaufferie. qu'on savait déjà qu'il y avoir des écrans des main stage seront encore plus grands qu'avant. Donc vraiment, ils insistent là-dessus, donc ça doit vraiment être très très grand. Certainement, ouais. Dans les bois, ou comme j'aime à l'appeler le Kingdom of Muscadet, il y aura un décor à la Mad Max. Donc ça, c'est assez intéressant, à savoir qu'il sera éclairé la nuit et tout ça. Bon, le Kingdom était déjà un peu éclairé la nuit, mais là, c'est un vrai décor à la Mad Max. Ce qui était déjà un peu annoncé avec la mise en place de l'hélicoptère qui était en vrac et tout ça, c'était des prémices. Mais c'est encore plus sympa s'il commence à en parler davantage. Mmh. Comme annoncé également, la rue de la bouffe sera bitumée afin d'éviter la poussière dans la nourriture. Et il y aura également une sculpture géante qui sera une fontaine apparemment à ce niveau-là. La loge des artistes... Et de la pelouse synthétique. Très vrai, très vrai. La loge des artistes sera déplacée car avant elle se trouvait au niveau du lycée. Maintenant elle sera beaucoup plus proche du site en lui-même. Et il y aura la possibilité pour les artistes d'assister au concert des main stage via un étage supérieur au-dessus des PMR. J'ai cru voir aussi qu'au niveau directement du site en lui-même, donc face au main stage, il y aurait à avoir une nouvelle sculpture géante aussi. À l'entrée. Alors moi, de ce que j'en ai vu sur la photo, c'est quasiment à l'entrée. Hein. Bah, je sais pas trop. Parce qu'à l'entrée, il y a déjà quand même le bras géant qui fait le hands up. Ouais, mais à droite. Mais moi, je pense que c'est plus vraiment sur la pelouse, en fait, quand tu rentres, moi, là où il y a les... Face au main stage, pour moi. Bah, pour moi, c'est face à la cathédrale. Mais ça revient au même. Bah non, parce que t'as déjà été au Hellfest ? Oui. Ouais. Et bah quand tu rentres, t'as la cathédrale. Attends, j'ai le plan. Et t'as les main stage. Mais de là à là, tu veux dire, t'as pas 4 mètres. Ah oui, d'accord, tu veux dire, c'est à cause du décalage. T'as un décalage énorme. Ah, mais moi, on voit le bar sur la photo. Justement, on le voit. Donc tu penses plutôt et t'as là, l'allée, toi ? T'as l'allée, on voit aussi l'allée qui mène à la Warzone. Ah bon ? Ouais. Ah bah donc ça serait là, alors. Entre les os pour s'asseoir. Enfin, où est-ce que ce serait pas l'avenue de la bouffe ? Hein ? Quoi ? Ben, l'avenue de la bouffe, elle est à gauche. Elle est à gauche direct ? Bah ouais. Oui, ben, direct. Justement, mais là, il n'y a pas les stands de bouffe. Est-ce que ce serait pas ça qu'on voit sur la photo ? Alors, beaucoup de questions se sont posées comme ça. Et, ouais, et du coup, c'est marrant parce qu'on en parle maintenant. Genre, ça fait très investigation pas du tout faite. Non, non, mais c'est bien, on découvre en même temps. Non, mais pour moi, ça va être là. Alors, Face à la cathédrale, un peu face au main stage, devant le merch, un peu. Ouais, mais c'est le merch. Et on voit bar. Mais il y a un bar aussi. Attends, est-ce que ce serait pas. Bah, non, c'est devant les arches. Devant les arches de flotte. Ah bon ? Ouais, je pense. Ah bah alors c'est complètement devant le main stage, alors c'est moi qui ai raison. Alors, complètement devant, bah, je dirais pas complètement devant, parce que t'as quand même une certaine distance. Ah donc toi tu parles de l'allée de la Warzone qui est là. Voilà. Donc ouais. Ça serait par là. Donc ouais. Entre les main stage et la grande roue. Ouais, parce que je vois le bar à droite, mm-hmm. La grande rangée de bar, mm-hmm. Là, bah, le Kingdom of Muscadet. Très bien. Et du coup, ouais, c'est au niveau des plaques. Oui, et des... oui, voilà, tout à fait. Là, tu as raison. Ça. Donc, c'est face à la... Donc, c'est bien face au main stage. C'est ce que j'ai dit depuis le départ. Complètement. Que tu m'as repris en disant face à la cathédrale, parce que monsieur veut toujours se mettre en avant, qu'il a des connaissances de mieux que tout le monde. Mais je te rappelle que c'est mon podcast, donc il va falloir apprendre. Non, non, mais bien. Oui, maintenant. Donc, rappelons que cette personne qui fait cette culture... vient de Bordeaux. Oui, voilà, et qui est la même qui a fait l'arbre Hellfest. Ah oui ? Eh ben merci pour ces précisions. Je dis ça comme ça. Hein, moi, est-ce que tu as noté d'autres choses dans cet article ? Non, bah après, mis à part la fontaine au centre. Et que ça ouvrait à 10h. Oui. Contrairement à 9h qu'on a annoncé la semaine dernière. Que tu as annoncé en fait. Hein, parce que moi, je ne m'engage pas là-dedans. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et qui parle aussi du concours des air guitares qui aura lieu le jeudi soir. C'est ça. Ça. Voilà. Très bien pour ces nouvelles. Donc je te propose. Ah, on rush, mais hé. Qui a vraiment envie qu'on prenne encore une émission de 2 heures? Il y a des gens qui nous écoutent en voiture, c'est dangereux, tout ça. Donc, c'est ça. On va passer à la partie où on parle du Metal Corner, parce qu'on doit en parler cette semaine. Une fois que vous êtes arrivé, que vous avez récupéré votre bracelet, que vous avez fait un petit tour sur le Hell City Square, que vous avez vu un ou deux concerts de Hellstage, vous avez été au Extreme Market, vous dites, dis donc, ce serait peut-être temps quand même d'aller vers le camping. Mais avant ça, Park City, quoi qu'on passe? Alors, on passe par là, ensuite on va à gauche. Ouais. Et donc là, on a à droite des toilettes en compost. C'est ça. Et à gauche, on a un distributeur d'argent. C'est ça. Et on a l'arche de l'entrée du camping Metal Corner. Non, Metal Corner, pas camping. Metal Corner. Oui, Metal Corner. Mais oui. Et avec l'avenue de la bouffe du Metal Corner. Exactement. Et là, justement, il y aura 2 scènes. Donc, comment ça va se passer cette année? Alors déjà, première chose, dès que vous arrivez, il y a 2 écoles. Ou vous passez par le bar du Metal Corner dès en arrivant pour être sûr de récupérer votre gobelet collector, car c'est le seul endroit où il y est au Hellfest. Le 50 centilitres. Le 50 centilitres, j'entends. C'est le seul endroit où il y est dès le jeudi, et j'ai peur que le vendredi et le samedi, alors le dimanche, j'en parle pas, mais voilà, c'est le jeudi. Donc, soit vous prenez directement le gobelet en passant en vous disant... C'est réglé, on n'en parle plus. Soit vous allez au camping. Une bonne bâche. Hein, voilà. Avant de... Bon, par contre, malheureusement, ça sera sûrement de la Kronenbourg. Voilà. Donc, ou du Brest Cola, mais je vous le déconseille. Moi, ça m'a rendu malade. Nous ne reviendrons pas. Très, très malade. C'était peut-être une mauvaise année, je pense. Hein. Moi, je pense qu'il y avait peut-être un truc pas bon dans le sandwich que j'ai pas mangé. Ouais, peut-être. Ça arrive, ou ça. La nuit qui est tombée, et du coup, ça t'a perturbé. Le froid, ouais. Ah non, j'ai eu une espèce de mauvais rhume. Hein, ouais, c'est ça. Ou le fait qu'on soit placé peut-être à l'est, et du coup, on était... Eh oui, c'est ça, c'était pas Feng Shui. Ouais, c'est... Bah... Possible. Ouais. Donc, Metal Corner, c'est devenu un spot incontournable pour les festivaliers du Hellfest, parce qu'il y a une ambiance unique. Bon, ils savent se vendre, hein, les mecs. Et ça, dès le jeudi soir, antenne indépendante du festival, le Metal Corner est le meilleur endroit pour commencer et terminer sa journée en beauté. C'est tout à fait vrai. Complètement. Car sur le Metal Corner, il y a directement accès à ce qu'ils appellent la Party Tent, ou cette année également la Fury Tent. Donc, 2 tentes, nouveauté de cette année, contrairement à une tente. Ça le tente les autres années. Donc, où il y aura des concerts et en fin de soirée, un DJ qui viendra passer les meilleurs morceaux de métal, souvent les mêmes. System of a Down, Rise Against the Machine, Pantera. Mais la question n'est pas. Donc, le Metal Corner, ça ouvre dès 9h avec donc, des DJ. Et dès le jeudi soir, on aura le droit à des concerts. Oui, ah bah c'est vrai. Pardon, je me suis un petit peu fait. Je comprends pas comment c'est réparti parce que. Ou alors c'est après, d'accord. Donc, dès le jeudi, à partir de 14h20 jusqu'à 15h, il y aura Arg. De 15h20 à 16h, il y aura Hardmine. Si jamais il y a un groupe qui te parle dans l'eau, t'hésites pas à me faire un signe de la main. De 16h20 à 17h, il y a Wild. De 17h20 à 18h, Infinitium. De 18h20 à 19h, Void. De 19h20 à 20h, Nuisible ou Noisible. De 20h20 à 21h, Primal Age, qu'on a raté. Primal Age qui était à la warm-up de Caen. 21h20 à 22h10, Destinity. 22h30 à 23h20, Jolamook, qui est avec en son sein Gaël Mektoub du duo Bat et Gaël sur YouTube, pour ceux qui connaissent. Et de 23h40 à 00h30, Display of Power, qui est donc le groupe de cover de Pantera qui était l'année dernière sur le warm-up. Pour l'instant, j'ai tout bon. Très bien, merci Bob, c'est le meilleur. Alors, comme ils le disent, au Metal Corner, nouveauté 2019, remplissez, repartez avec votre bouteille de bière spéciale collector, une bière créée à l'occasion du festival qui sera nommé, ah bah c'est ce que je disais la dernière fois, mais je l'ai pas dit, je l'ai dit hors antenne, je crois. Ouais. Eh bah, nommé la Bête 666, Growler 666, des gobelets collecteurs en série limitée, format pinte, seront aussi disponibles dès le jeudi. C'est qu'est-ce que tu viens de dire? Voilà, donc à savoir que sur la Party Tent, le jeudi 20 juin, ça sera Michel Caillou de 2h à 3h50 du matin. Ah putain, ils l'auront fait à l'envers. Je m'excuse. Hank de Ripper des 17h à 20h. Brigade du plaisir. Pourquoi je mets un accent anglais ? Brigade du plaisir de 21h à minuit. Arnaud Robotini plus Comical Camp de minuit. Oh no, Robotini. De minuit à 2h. Et Michael Caillou. Michael Stone. Michael Stone. Non, Michel Caillou de 2h à 3h50. Sous la partie tente. Dès le jeudi, alors que sur la Fury Tent de minuit à 2h, il y aura DJZ, mec, tu t'es foulé pour le nom, et de 2h à 3h, le retour d'Arnaud Robotini plus Chemical Chem. Donc le mec fait de minuit à 2h sur la partie tent et de 2h à 3h50 sur la Fury Tent. Le mec est à fond. Vendredi 21 juin, DJ Dindar sur la partie tent de minuit 30 à 4h et sous la Fury Tent, X, what the fuck, WTF, de minuit 40 à 3h50. Samedi 22 juin, pourquoi une voix aiguë, je ne sais pas. Party Tent, minuit 30 à 4h du matin, Mike Rock, tandis que sur la Fury Tent, Mike Rock, 7 metal, de minuit 40 à 3h50, le mec fait les deux. Dimanche 23 juin, Harry Cover de minuit 30 à 4h, et sous la Fury Tent, DJ Nequam, de minuit 40 à 3h50. Et ça, c'est que du bonheur. Comme quoi, quand vous rentrez ou vous repartez, vous passez forcément par le Metal Corner. Donc, enfin, quand vous venez du camping, j'entends. Bah, oui, voilà. Donc, vous avez forcément de la musique. À savoir aussi, donc, comme tu l'as précisé, Bob, tout à l'heure, qu'il y a l'allée de la bouffe qui est en rapport. Donc, on peut manger de la bouffe étrangère. Il y a aussi, en général, le coin Décathlon. Il y a un mini par food truck, mais plutôt food chariot quick en général. Ouais. Il y a aussi un écran géant qui diffuse en temps de Coupe du Monde des matchs. Là, je ne sais pas. La Coupe du Monde. Bah, peut-être qu'ils rediffuseront la Coupe du Monde qui n'est pas cette année. Tout à fait, c'est vrai ce que tu dis. Il y a aussi l'accès au culte pour tous les membres du fan club du Hellfest, à savoir toi, moi, qui ce sera notre première, notre dépucelage. Voilà. Donc, on vous en parlera plus dans l'émission Retour. Qui, en tant que spoiler, je peux l'annoncer, sera dès la semaine du retour. C'est ça. C'est-à-dire deux jours après. Ne le dites pas. Le lendemain. Ou le surlendemain. On ne sait pas. Peut-être un peu de repos, voire... Ah bon, tu veux qu'on décale d'une journée pour l'occasion ? Ouais, de l'acupuncture. Attends, je vais lui péter la gueule, je reviens. Non, mais tu ne fais pas des trucs comme ça. Ah, d'accord. Pas très gentil. Non. Personne ne va entendre ce chien qui crie. Donc... Une fois qu'on continue d'avoir dépassé toute cette allée de la bouffe, le coin des Décathlon, il y a aussi un coin, goodies et CD et peut-être t-shirt et. Je crois qu'il y a le coin CO2 aussi. Oui, l'endroit plutôt H2O non que CO2, c'est la même chose. On parle bien de la même chose. Moi, je crois que c'est le coin H2O. Alors, pour la petite information, tous ceux qui demandent ce qui est en train de se passer. Bob est parti éclater son chien, voilà. Moi, je ne l'ai pas éclaté, La dernière fois... Il a encore envie. Donc, H2O, tout à fait. CO2, c'est pas le même endroit. Ah, d'accord. Non, c'est là-haut sur la montagne. Très bien. Alors, quand on arrive vers le camping, quelle est la première chose qu'il se passe ? Quand on arrive sur le camping, alors déjà, on a les gentils gens du Green... Attends, que je vous dis ça. Remets-moi. C'est ça. Les gentils gens du Green. Petit pouta papi. Trop de mémoire. Alors, écoute, là, c'est Anima Green. Voilà. Qui te donne, hein, pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, pour ceux qui. Ce sera la première. Te donne des sacs, donc de tri. Ouais. Donc, un jaune, un vert et un. Bleu, apparemment. Bleu. Ou marron. Enfin. Voilà. Et je ne sais pas s'ils réitèrent cette année. Ils réitèrent. Ouais. Ceux qui rapportent le plus, Attends, c'est carrément indiqué en fait. Pour vous motiver, nous nous engageons à vous offrir un crédit pour de la consommation chaque fois que vous rapportez deux sacs remplis de déchets triés ou trois sacs de tout venant. Et au point info tri, bien sûr. Et mieux encore, nous mettons en place une loterie qui, à la suite d'un tirage au sort, permettra aux festivaliers ayant ramené des sacs en contenu trié de remporter des places pour le Hellfest 2020, ainsi que de nombreux lots Hellfest Shop. Révélation des gagnants sur place le dimanche 23 juin vers 19h. Plus vous ramenez de sacs, plus vous augmentez vos chances de gagner. A noter que l'année dernière, plus de 230 tonnes de déchets triés et compost ont été récoltés avec 62% de valorisation, soit plus 4% comparé aux années précédentes, ce qui est exceptionnel. Voilà, donc ça, c'est le petit point important. Dès que vous arrivez, on va vous en donner. On va vous en donner pendant tous vos 3 jours où vous êtes là. Vous inquiétez pas. Non. Parce que c'est important. On sait tous qu'on se laisse aller quand on est fatigué, qu'on ne fait pas attention. Mais il est important quand même de garder le maximum de choses propres parce que ça doit être quand même... C'est, on parle quand même de 60 000 personnes sur 3 jours qui... Voilà. Autre point qu'on n'a pas annoncé parce qu'on ne s'en sert jamais, mais il y a aussi les vestiaires et consignes. Qui sont déjà... Les consignes qui sont sur le Metal Corner. Voilà, qui sont donc... toujours d'actualité. Et qu'on peut aller réserver en ligne. Voilà, toujours en de taille... De différentes tailles, pardon. S, L, XL. S, voilà, avec aussi des petits casiers avec des recharges pour portables pour ceux qui ont besoin. Ouais. Donc, après, une fois que vous avez récupéré vos sacs, que vous êtes face au grand camping, il y a 4, 5, 6 zones de camping. Ah oui, oh là oui. Qui sont définis par des couleurs. Et donc, à savoir que le camping marche selon une règle très très simple qui est le premier arrivé, premier placé, c'est celui qui a gagné. Ouais. Grosso merdo. Grosso merdo, c'est ça. Grosso merdo. Qu'il y a des zones délimitées bien partout où chacun se pose un peu. Au début, bien. Ouais. Et puis, il y a un moment où il se pose plus bien. Vers. Là, du coup, ça ouvre à 10h. Mais je sais que si ça ouvre à 16h. Vers 16h05, c'est mort. Ouais, voilà. Voilà. Donc, tu peux plus bien te poser. Hein, donc, tu es obligé d'empiéter un petit peu sur les chemins de traverse. Il bon, y a rarement de gros problèmes. Oui, non. Ça reste dans une certaine convivialité. C'est ça, c'est bon enfant. Ouais. Donc, aussi, à noter qu'effectivement, ça ouvre dès jeudi matin 10h, mais il y a de grandes chances que ça soit un peu ouvert le mercredi soir, parce que c'est un secret. Mais... Officieusement. Voilà. Mais tout le monde est au courant. Et bien sûr, plus tu arrives tard au Hellfest, plus tu vas retrouver ta tente loin. Voilà. Mais c'est quand même assez bien fait pour que... Ou si tu as de la chance, peut-être éventuellement proche de ta voiture, mais tu auras une barrière qui te sépare. Oui. Ça et du coup, tu pourras vous jeter un œil sur ta bagnole. Et la surveiller. Et la surveiller. Voilà. Pour, bon, bien sûr, il y a toujours des activités nocturnes au camping, mais on laisse le soin aux gens de le découvrir par eux-mêmes. Alors ça... Si, il y a le Macumba, on peut en parler. Oui, on peut parler du Macumba, qui est donc une barre de nuit, une boîte de nuit sauvage. Sauvage. Totalement sauvage, qui avec des gens sauvages. Qui a beaucoup marché en 2018. Voilà, et qui marche encore, qui a beaucoup marché depuis de nombreuses années. Ah, hein, mais j'ai l'impression que vraiment 2018 a été un succès. Un succès. Ouais. Parce que tu y étais peut-être. Sûrement. Vous m'avez vu, vous m'avez reconnu, vous n'avez pas osé venir me parler. Comme vous avez bien fait. Parce qu'il ne vous aurait pas répondu. Continuez comme ça. Comme allez parcimonie, voir Bob. Il avait mal aux pieds. Si vous voyez quelqu'un et que vous pensez que c'est moi, allez voir le mec qui est à côté. Il vous parlera, il sera plus sympa. Voilà. Et si vous cherchez, allez voir celui qui a des cheveux. Vous vous tromperez pas. Je ne comprends pas toutes ces vannes. On a... Oui, donc tout à l'heure, tu as parlé du point H2O, vite fait, pour dire oui, donc les douches sont au Metal Corner. On a rappelé, on en a parlé la semaine dernière, je crois, mais le forfait coûte 6€ et vous donne l'accès aux douches durant l'intégralité du week-end. Il y a toute la flotte, en fait, tu as un accès... Voilà, si tu as besoin de... Avec un portique, voilà, c'est ça. Avec des vigiles et tout. Pour les plus riches ou les plus bourgeois ou les... Plus feignants. Feignants. Il y a le Easy Camp. Prends du fric. Bah, c'est pour ça. Les plus riches, les plus bourgeois ou les plus feignants. Qui ont de l'argent, oui, d'accord. Ou qui sont prêts à sacrifier des choses. Pour... Enfin, bref. Pour d'autres. Il y a une possibilité de Easy Camp qui a été sold out quasiment dans l'heure. Bah, un peu comme les billets Hellfest. Ouais, voilà. Ou là, on en a déjà parlé dans les autres émissions, mais donc on a possibilité de Car Tent ou de Tipeee. Avec cette année des plus grands Tipeee. Donc, pour avoir essayé les Tipeee une année. Ou de plus petits Tipeee. Ou de plus petits tipis, tu fais très bien de le préciser, c'est vrai. Donc pour nous qui avons eu l'occasion d'essayer les tipis et les cartentes, on part sur un concept de cartente parce que bon bah c'est petit, mais c'est fonctionnel. C'est t'arrives, c'est pour dormir et à côté de ça, t'as rien à amener quoi. C'est vraiment, on l'a déjà dit, on le répète, je l'ai déjà dit, je le répète. Tu poses ton sac au fond de ta tente et tu vas boire. Voilà, c'est tout. Y a pas d'embrouille quoi. Ah. T'as ton petit camp qui est là, t'as ton duvet, t'as ton fauteuil de camping. Alors, juste moi, oui. Personnellement, voilà. Donc il y a deux écoles. Mon expérience personnelle, j'ai amené un matelas. Ayant fait l'expérience du lit de camp avec toi, mon ami Jack, la première année, la toute première année du Easy Camp, C'était très très inconfortable pour moi qui ai en plus des problèmes de dos. Surtout parce que t'as des problèmes de dos. Voilà. Moi j'ai pas, je trouve ça vraiment. C'était très très inconfortable pour ma part et moins intimiste, on va dire, hein, si vous venez en couple. Et moins oui, intime, oui. Hein, c'est deux lits de camp. Ceux qui viennent moi, je vous conseille de prendre les petits matelas gonflables là, qui sont pas chers et qui sont d'une marque française que je ne nommerai pas, qui commence par Deca et qui finit par Clon. Decathlon qui sont très... Non, mais c'est ceux-là ou pas? Ouais. D'accord, non, parce que j'avais un doute. Qui sont très bien. Peut-être qu'on peut les acheter sur le site. Peut-être. Peut-être, éventuellement. Peut-être. Ou tu le commandes sur le site et... Tu dis, faites-moi, est-ce qu'on peut... Et le mec, il court ouais. Tel marathon... Ah, et il revient et il meurt en te donnant ton matelas. Mais toi, t'as ton matelas et tu peux passer ton week-end tranquille à dormir paisiblement. Merci. Tel un bébé. Des cas telon. Voilà. D'accord. Donc, je vous conseille de prendre ce petit matelas qui oui. prend pas de place alors, en plus, au transport. Et puis que tu as donc totalement pu. Enfin, non, c'est la pompe qui prend le plus de place. Bon, en fait, c'est la pompe, mais c'est pas lourd. Donc, l'avantage, d'accord. déjà, c'est. Et c'est donc, ça. En fait, pour l'avoir fait justement comme tu disais, on s'est arrangé avec les gens du Easy Camp. T'as marqué que t'avais pas pris tes lits de camp, voilà. Ils ont pas. Up. J'ai demandé à Virginie, elle m'a dit écoute, tu fous les lits de camp dehors, et puis ouais. nous on vient les rechercher, et puis voilà. Et ça s'est bien fait comme ça. Ça s'est fait nickel, et j'ai passé toutes mes nuits à dormir paisiblement, ouais. sans mal de dos, et c'était formidable. Et donc voilà, tout ça pour dire que effectivement, il n'y a pas beaucoup de place dans les tentes à carton, mais en fait, de notre point de vue à nous, on voulait juste un endroit où se poser pour dormir. Le reste du temps, on était devant la tente à discuter avec les gens autour de nous ou sur le site en train d'aller voir des concerts. Donc, soit vous voulez être très bien installé et dans un super truc confortable, et là, bah, faites comme vous voulez. Soit vous voulez la solution de praticité qui a un certain prix, on en est totalement conscient. Mais voilà, c'est des choix qui regardent chacun. Le conseil qu'on peut donner éventuellement pour les 4 tentes, c'est tout simplement optimiser vraiment votre sac ouais. à mort. Il y a moyen qu'il tienne juste devant le lit voilà. de camp. Vérifiez bien, comme on le fait à chaque fois, et là on va encore s'améliorer cette année. Oui. Vérifiez bien la météo. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, encore l'année dernière, j'ai emmené 2-3 trucs qui ne m'ont pas servi. Toujours trop, ouais. Voilà. Et du coup, bah, j'avais un sac qui me prenait un peu plus de place. Ouais. Optimiser, faire vraiment la place pour. On a économisé des oreillers en prenant un petit truc gonflable qui se pliait. Voilà. Il y a des tutos très bien pour faire des sacs. Ah, exactement. Donc, n'hésitez pas. Normalement, en poussant le lit, il y a moyen de mettre le sac au bout d'un côté ou de l'autre. Au fond, ouais. Même donc, avec le matelas que je vous disais, ça, ouais. pour l'avoir fait. C'est... Et au pire, vous le mettez en dessous, ça vous fait un oreiller. Voilà. On peut faire ça. Donc, y a vraiment... Effectivement, il n'y a pas énormément de place, mais nous, on a réussi à tenir avec en plus nos boissons à l'intérieur et tout. Ouais. Et il fait moins chaud dans les tentes. Il fait moins chaud dans les car tentes. Les bières restent fraîches. Ouais, que dans les tipis. Voilà. Et bim, pour ceux qui ont pris le tipi. Et donc, vraiment, en fait, le tipi, ce n'est pas forcément un désavantage. Mais ce qu'on a remarqué, nous, c'est qu'on était tout le temps dans notre tipi et qu'on parlait avec beaucoup moins de monde. Voilà. Et donc, c'est moins facile parce que t'as moins la vue. Voilà, t'es moins dans le délire alors que là tu passes ton temps dehors donc dès que tu croises quelqu'un tu discutes un minimum. Voilà. C'est complètement autre chose. Et je tiens juste à préciser, et Bob peut totalement témoigner, c'est que moi je ne parle pas avec les gens. Ah non, général. Ça, non. Et pourtant je préfère l'expérience Carten parce que justement tu te retrouves à discuter avec des gens comme ça, tes voisins t'entendent plus facilement. Et voilà, donc c'est deux choses complètement différentes. Et après, forcément, ceux qui vont au camping normal, bah. Vous savez déjà comment ça marche, vous allez découvrir, c'est convivial, vous allez forcément faire des rencontres, forcément discuter, ça va être top pour vous. Voilà, donc là on a fait le tour du camping, grosso merdo, je crois qu'on n'a rien oublié. Après, voilà, moi c'est toujours pareil, c'est que je l'ai fait des années, le camping ouais. Wellfest, hein. J'ai fait que ça dès le début, 2010, 11, 12, 13, 14 et 15, je l'ai fait avec toi, ouais. Et 16. 16 en ouais. fait l'année d'après ouais, 2016 ouais. Donc ouais, j'ai fait pas mal d'années au camping dit classique normal. Ça se fait très bien, mais par contre c'est ultra chaud pour trouver des places quoi. Je me suis payé la passerelle non. aussi à la con. Ça, et accessoirement t'es donc forcément contraint d'emmener beaucoup plus de choses. Voilà. Ouais. Donc le voyage entre les parkings et le site en lui-même, c'est beaucoup plus contraignant et beaucoup plus. Donc voilà, après c'est vrai que là ils ont agrandi hein, ouais. justement le Easy Camp. Et ça a de plus en plus de succès. Donc, comme quoi, hein. Non, mais moi, je comprends tout à fait les gens qui préfèrent le côté camping normal. C'est juste que, voilà, moi, je vous le dis, les gars. Je pense qu'ils sont jeunes, ces gens-là. C'est ça, voilà. Moi, j'ai dépassé... Ou pour les anciens, c'est juste parce qu'ils ont aussi, ils arrivent à beaucoup plus. et que ça leur permette de faire des grosses soirées tous ensemble. Aussi. Moi, j'ai dépassé ce temps-là. Les gars, il faut aller faire des concerts. On est un média. Il faut qu'on ramène des infos. Il faut des fois que j'aille prendre des photos. Je vous jure. Faut... Et puis voilà, des fois, on a besoin d'être sur notre pouf et de se dire, putain, on a de la chance d'être sur un pouf dans un petit camping de riche. Non, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est que vous puissiez passer un très bon festival, que ça soit dans le camping normal ou le Z-Camp, les deux sont possibles. Bob en témoigne, il a passé des très bons moments dans les deux. Tout à fait. Mais maintenant, il est vieux, il faut qu'il se pose. C'est ça. Voilà, donc cette semaine, pas de partie Knot Fest non plus, parce que bon, comme on l'a dit dans les news, on ne va pas s'étendre trop sur Slipknot. On va juste changer la petite donne, à savoir qu'on n'est pas forcément à 80%, mais il reste moins de 2000 places. Savoir combien il y en avait à la base. Un certain paquet, 2500 peut-être. Ah, au niveau des maths, ça va pas du tout. Non, ça va pas, ça colle pas. Et donc, on reviendra bientôt pour faire un débrief total sur Slipknot comme on l'a fait. Il nous reste encore 2-3 émissions à faire quand même, donc vous inquiétez pas. Donc, je vous propose, enfin surtout à Bob, de passer à la rubrique chronique. Désolé, j'étais en train de lire. Lire quoi ? Un petit message de Julien. En fait, je ne comprends pas. Il m'avait dit qu'il enverrait un message. Ouais, mais ça fait 4 jours apparemment qu'il l'a envoyé. Et du coup, je ne l'ai pas vu. Donc, désolé, Julien. sur Valley of the Sun. Ah ! Et ça fait 4 jours qu'il l'a envoyé, je viens de le voir. Donc, tu peux t'excuser en direct parce qu'il attend l'émission de ce soir. Ouais, non, mais je m'excuse, Julien, je n'avais pas vu ton message. Donc là, tu vois, je viens de le voir. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc, autant pour moi, je te répondrai et je te répondrai même éventuellement. Ah bah, d'ailleurs, on peut peut-être prendre ce moment pour. Attends, je regarde le temps. Je t'autorise l'expression et ça va bien, même voire très bien. D'accord. Voilà, je réponds à ta question. Et très bien. Donc on est à 51 minutes et 30 secondes. Juste un petit mot pour les Fallen Lilies. Oui, qui, tout à bon, fait. Alors les filles... Qui se la pètent un peu. Alors bien évidemment, on va venir le tourner votre clip. Alors d'abord, on va se retrouver au Hellfest, boire pas une bière, mais plusieurs bières, que vous allez nous payer, parce que c'est comme ça. Attends, si, j'ai des bons arguments. Ah, écoute, pour vas-y. Fêter le fait qu'elles jouent en main stage, hein, pour fêter le fait qu'elles ont de la chance qu'on aille réaliser leur clip 2... Et 3, parce qu'on est sympa. Et parce qu'elles auraient pu nous faire du mal en parlant de nos physiques. Parce que vous auriez pu tomber sur bien pire que nous. On est totalement passable. Je veux dire. Largement, même. Bah alors, tu vois. Attends. Donc, et quatrièmement, parce qu'elles ont critiqué mon accent anglais. Parce que je sais que c'est le mien qu'elles ont critiqué. Donc, c'est pas cool. Ouais. Donc, si j'avais un ego, par exemple, ouais. Ça aurait pu me faire mal. Mais t'en as pas. Non. Mais donc, du coup. Mais elles le savent pas, elles. Ouais. Donc, c'est quand même une attaque. Donc, elles vont payer les bières. Oh la vache. Ah, t'es dur là, t'es dur. Je suis dur ? Je dirais, t'es juste, mais t'es dur. Mais... écoute, c'est ton ressenti. Tu peux leur payer une bière si tu veux. Écoute, si le cœur m'en dit. Ah oui, ça va faire beaucoup ça. écoute, peut-être, je tirerai au sort éventuellement paierai une bière. Voilà, toi, tu es juste. Et là, je pense que ça créera des conflits au sein du groupe. Oh, je pourrais éventuellement foutre la merde. Non. Paierai pas de bière du tout. Ah, moi, je veux bien, alors du coup. Bref. Ah, je sais pas, on verra sur place, sur le moment. Voilà, très bien. N'hésitez pas à nous dire quand vous arrivez, les filles, parce qu'on sera là et on sera... comment vous avez dit, ouais, on sera chaud aussi, nous, allez hop, c'est bon. Et au pire, si on peut commencer à réaliser le clip en direct du Hellfest. Des images du Hellfest. Et genre, on irait prendre des images sur la main stage. Alors attention. Non, pas forcément, tu vois, si des petits trucs, comme des petites images prises au vol, comme ça, dans le festival, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? On n'aurait pas dû en discuter avant, non ? D'accord. Ok, très bien, faisons ça. Au pire, tu coupes. Ah, non, je coupe jamais rien, j'ai pas le temps. Donc, on est dans la merde. Ouais, c'est cool. Allez, on passe aux chroniques. Qui commence-t-il ? Vas-y, commence. Alors, je vais commencer par Mantar. Et donc, Mantar, qui joue sous Valais le samedi de 14h20 à 15h, face à Fever, Tray et Halégaéon. Ah, deux groupes qu'on a déjà, que tu as chroniqué. Que j'ai chroniqué moi-même de mon propre chef. Ouais, donc du coup, aucun des deux, tu vas voir, de mémoire. de mémoire. Oui, bah, bon, je ne sais pas. Très bien. Je ne sais Alors, pas. Je commence. Mantar est un groupe de sludge metal allemand originaire de Hambourg, formé en 2012 par deux amis d'enfance originaires de Brême. C'est donc un duo qui forme Mantar. Le nom du groupe signifie « fungi » en turc. Et fungi, aussi appelé mikota ou mitset ou fonge, constitue un taxon regroupant des organismes eucaryotes appelés plus communément champignons. Wow. Non, bah, donc, c'est fou quand même, comme quoi la culture. C'est... Au début de 2013, le groupe enregistre l'album Death by Burning qui est publié en février 2014. Cette même Mantar est élu groupe du jour au journal britannique Mosheville Times. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais ça m'a fait rire. Avril 2016. Tant mieux. Écoute. Avril 2016, c'est au tour du second album Odd de Flame. C'est marrant parce que je suis en train de me planter avec l'accent et je repense au Fallen. À ton accent anglais. Voilà. Odd de Flame. On va bien se foutre de ta gueule. De voir le jour avant de voir cette même année le groupe participer au Hellfest qui se déroule à Clisson. Donc, apparemment, ils étaient là en 2016. Ouais, on n'avait pas commencé le podcast, donc on a l'excuse. Et en 2018, c'est dur, c'est un troisième album, The Modern Heart of Sitting, Ablaze, qui vient remplir nos oreilles, tandis que l'année suivante, c'est le retour en terre clissonnaise au festival Hellfest. Ouais, j'ai quand même eu peu d'infos sur le groupe. Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est que, en fait, apparemment, je ne sais pas trop ce que c'est le sludge, parce que j'ai été chercher même la définition et tout ça, et bah, dans la définition que je voyais, ça se rapprochait un peu plus du doom. De ce que j'avais l'impression d'en sentir, parce que du coup, le sludge, c'est censé être un peu lourd et lent, avec des paroles très nihilistes et tout ça. Je dirais que c'est un mélange entre le stoner et le doom. Ah, bah là, d'accord. C'est l'entre-deux. Si tu... D'accord, et eh ben dans ce cas-là, d'accord. Parce que c'est pas du tout. C'est lourd, mais pas que Mantar. Ouais. Bah, c'est... T'as des groupes bien connus, comme Down ou comme Corrosion of Conformity, ouais, mais... qui font du sludge. Ouais, mais dans ce que moi j'ai été voir du sludge, ils parlaient de I Had God. Alors oui, bah, oui c'est du sludge, mais un peu plus poussé vers le doom, vers le... Moi, je pense que c'est du sludge qui a glissé dans le doom. Ouais, je pense qu'il s'est vautré ça, bien sa gueule comme ça dans le doom. En tout cas, Mantar, pour un duo, c'est extrêmement sympa. Il y a vraiment un gros son de batterie, un gros son de guitare bien dégueulasse, une voix bien, bien lourde aussi qui va ramener tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce qui est assez marrant, c'est que bah, ma première écoute, j'ai beaucoup aimé. C'est là que je t'ai dit, hé, vas-y, écoute. D'accord. J'ai réécouté derrière au moment où je t'ai dit, hé, vas-y, écoute. Et d'un seul coup, j'ai... Non, c'est... parce qu'en fait, quand, la première fois que j'ai écouté, je me suis dit, putain, ça, c'est pour Bob. Et après, je me suis... là, quand, au moment où je t'ai envoyé le message, j'ai réécouté, je suis... Ou peut-être pas d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté ou pas dans mon message. Ouais, ce matin, j'ai re-écouté et franchement, il y a des vraiment des purs bons trucs. Quoi. Là, en l'occurrence, tu me dis que ça passe samedi sous la vallée. Donc c'est totalement fait pour la vallée parce que ça a beau être un son lourd et tout. Il y a quand même un truc qui va jouer. Si ça joue sur les lumières et tout, ça va être vraiment, je pense, très très bien. Mmh. En plus de 14h20 à 15h, il se trouve que j'avais rien de prévu à cette heure-là. Pour l'instant. Hein? Pour l'instant, n'hésitez tout... pas à me demander. C'est ça. Et qu'il n'y a aucune chance que j'aille voir les deux autres groupes. Il suffit qu'on soit pris par un petit cocktail. Ah, oh, hein. Ça peut arriver. On ne dit jamais non au cocktail. On est poli. C'est ça. Donc voilà, moi, Mantar, j'ai vraiment bien, bien aimé. Je te le conseille d'ailleurs, Bob, à écouter. Alors, plutôt ouais. L'album Odd the Flame, je crois. Ou alors, je l'ai mal marqué, mais j'aurais tendance à te conseiller cet album-là. Non, moi, j'irai écouter. Ouais, mais c'est vraiment... ouais, Hot to the Flame. Hot to the Flame. Ouais, okay. Je te le conseille. Donc ouais, non, c'est un duo, mais t'as pas l'impression qu'ils sont que deux. Hein. Vraiment, ça envoie pas mal et c'est hyper bien. Ok. Voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je te laisse passer à ton groupe, mon ami. C'est gentil tout plein. Je suis comme ça. Donc, pour ma part, j'ai eu Valley of the Sun. Qui passe le vendredi, sous la vallée, à 11h40 jusqu'à 12h10. Face à Clone, un groupe que t'as... À Claude. Non, Clone. Ah, Clone. Et Sublime Cadavérique Décomposition, okay. Un groupe que j'ai. Cool. Ouais. Alors, c'est vachement bien. Non, c'est... pardon. Ouais. ouais, c'est très bien. Franchement. Donc, c'est un groupe de stoner. Voilà, on est bien d'accord. Ouais. Américain. Dans le plus pur un trio stoner. Un trio de stoner américain. Ils sont trois donc. Qui viennent de l'Ohio. Ouais, ils sont trois. Voilà, création 2009. Donc ça va faire 10 ans. Félicitations. Peut-être qu'ils viennent fêter leurs 10 ans. Enfin, je félicite. Voilà. Joyeux anniversaire. Donc, ils viennent de Cincinnati. Donc, c'est... Alors, est-ce qu'ils sont 3, est-ce qu'ils sont 4? Je ne sais pas trop. À voir. Comment une chronique de Bob se reconnaît? Voilà. Attends. Voilà. Non, bah, j'ai découvert ce petit groupe par hasard. Et franchement... Comment ça, par hasard? Bah si, par hasard, je te dis, l'année dernière. Bah tu sais, t'as des suggestions de groupe. Ah oui. Et je fais, tiens, donc la pochette de l'album m'a paru un peu étrange. Et je dis, tiens, je vais cliquer dessus. Ouais. Et du coup, j'ai découvert. En fait, à la base, c'était un groupe qui était... c'était un autre groupe. D'accord. Voilà. Ils ont splitté. Et ils sont revenus. Les mêmes. Avec un autre nom. Les mêmes, mais sous un autre nom. Je connais. Tu connais ce genre de, ouais, de phénomène d'énergie. Ça m'arrive tout le temps. Voilà. Et donc, voilà. Ça reste un très, très bon stoner. Ah ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Voilà. Julien aime beaucoup aussi, d'ailleurs. Ouais. Bah oui. C'est... Ah oui. Sur ce qui m'a laissé ce message. Donc, ouais. Très, très bonne découverte. Et enfin, je le conseille. Ouais. Ouais. Pour ma part, je pense que, ouais, je serais apte, amené à acheter. Oh putain, il va le dire. Acheter un CD voire même la, Disco, la disco. Il y en a beaucoup. Il y a 3 albums. Ah, ouais. Stylé. Donc déjà, ce sera pas trop dépensé. Ça va. Hein, c'est bien. C'est réseau. Et donc voilà, non, très très bon. Je conseille voilà, d'aller voir Valley of the Sun. Tu iras, toi? Ah oui. Mais il y avait Claude, en fait. Bah, Claude, écoute... Non, Claude. Désolé, il me hante. Clone, j'aime bien Clone. Bah ouais. Mais ils sont en main stage. Sûrement. Ouais. Donc c'est ça le problème. Et ça. Ouais, mais à 11h40, ça va. Bah ça commence à moins aller, 11h40. C'est vrai. C'est vraiment le premier, voire deuxième groupe. Rappelle-t'en l'année dernière. Oui, on a pu se faire surprendre, oui. Qui c'est qu'on a vu? Le groupe parisien Bukowski. Bukowski. Qui était passé juste après. Moche Generator. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Ouais. Et du coup, on a vu Moche Generator tranquille, sauf qu'à Bukowski, ça commençait vraiment à... Ouais. Et du coup, on avait moins en moins de place. C'est vrai ce que tu dis. Donc, c'est les mêmes créneaux d'horaire, et du coup, ça risque d'être plus chaud pour Claude que pour Valley of the Sun, que j'ai vraiment envie de voir, parce que c'est plus un coup de cœur que... voilà. Et le stoner, ça reste quand même... ton style. Donc, si je devais, moi, répondre à la question... Sachant que j'ai Sublime, Cadaveric, Decomposition, je suis obligé de faire au moins aller voir, d'avoir eux. Et c'est vrai que le peu que j'ai entendu de Valley of the Sun m'a quand même bien motivé, donc je pense que je ferai les deux, quoi. Minimum, je serai obligé de jouer. Sublime, Cadaveric, il passe où? Alors là, j'ai pas noté, mais je suppose que c'est Altar. Ou Temple. Il passe pas loin. Non, bah c'est forcément l'un ou des deux. Ils vont pas passer au Warhol. Ça, par contre, c'est un avantage, justement, que la vallée, Altar, Temple, soit vraiment dans le même coin. Bah, surtout le matin à cette heure-là, quoi. Ce qui est assez étrange parce que c'est les styles musicaux sont pas très très reliés les uns aux autres, mais ouais, bah après en même temps, s'ils bougent la vallée, non, mais on en parlera quand on fera les styles des scènes. Mais Altar, c'est un peu large quand même, des fois, hein. Ouais, ils passent sous Altar, donc ils sont vraiment pas très loin, quoi. Donc, mais bon, c'est un petit set d'une demi-heure, donc je vais regarder, je pense, 2-3 chansons de chaque, et puis voilà, mais. Ouais, j'ai envie de voir les deux. J'ai envie de voir Valley of the Sun, tout ce que ça va donner aussi. Donc, ouais. Donc non, voilà. Ouais, pareil. D'autres choses à ajouter? Bah non, voilà. Après, si vous êtes fan de Stoner, Chaos et tous ces groupes-là. Un peu ton premier groupe de Stoner, non? Cette année, où j'ai la mémoire qui flanche? J'en ai eu un autre. Ah bon, bah alors, ton deuxième groupe de Stoner ou j'ai la mémoire qui flanche? J'en ai eu un autre. Ah, mais troisième groupe? T'es fou? Bon, bah écoute, je passe à mon deuxième groupe. Passe à ton deuxième groupe. Es-tu ready? Oui. Vas-y. Je passe à Mercure Volksange. Je sais pas trop. Volksange. Okay. Volksange, ouais. Bon, en tout cas, il passe le samedi en Temple de 20h45. Donc, je pense que c'est pas un petit groupe. Hein. Non. 20h45 à 21h45. Donc, ouais, un set d'une heure. Ouais. Donc, ouais, c'est pas un petit groupe. Je sais pas, tu nous diras ça tout de suite. Ah, bah oui. Face à Def Leppard et les Wampas. Ah bah, putain, que des trucs que j'ai envie de voir. Alors, Mercure, ou Mircourt, je sais pas, obscur, je dirais, est un groupe, enfin un one-woman band. Ah, de black metal. Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est aussi un peu une, comment dire, une aberration qui devrait pas exister. Chromatique. Ouais, ça devrait pas. C'est une erreur, c'est pas possible. Ça. Oui, tu t'es surpris. Donc, est un one-woman band de black metal et metal gothique américain originaire de New York. C'est ça que tu m'as fait écouter tout à l'heure ? C'est ce que je t'ai fait écouter tout à l'heure. Mais Mercure est le projet de la musicienne danoise Amalie Brune. Très bizarre. Est-ce qu'elle est blonde ? Oui. Mais c'est pas pour ça que c'est bizarre. Ah, c'est d'accord. C'est un one-woman band de New York, mais projet de la fille qui est danoise. Bah écoute, y a un autre groupe comme ça de... Bah c'est bizarre. À l'origine, bien sûr, tu t'en doutes, l'identité de la chanteuse était anonyme et comme tu le sais déjà, le nom du groupe est un mot islandais qui signifie « obscurité ». Le projet débute par un EP éponyme où Amalie joue les guitares, la voix et la basse. La batterie est jouée par son ami Rex Mimur. Cependant, elle recevra par la suite de nombreux emails de haine et de menaces de mort. Ce okay. que je peux comprendre en fait parce que pour moi, c'est une aberration, ça ne devrait pas exister en soi. En soi, je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est sur le papier, quand tu écoutes le truc, tu dis tiens, toi, c'est. Ah, ils ont fait un mélange génétique. C'est vraiment. Ok. Ce qui n'est pas très sympa, c'est presque équivalent à la réception d'une contravention. Des menaces de mort. Ouais, on peut voir ça comme ça, oui. J'ai reçu une contravention pour le temps. juin 2015, Mercure annonce la sortie du premier album studio intitulé Hem pour le mois suivant. Pour l'occasion, Amalie est accompagnée de Telosh de Mayhem et Engir aux guitares, ainsi Owen Mirvol à la batterie. Eh, mon accent anglais est pourri, mon accent suédois est pire, d'accord ? L'année suivante, 2016, Mercure est programmée au Hellfest ainsi qu'au Grass Pop Metal Meeting. Donc le podcast avait toujours pas commencé. Et donc, parce que pour l'instant je t'ai parlé de Mercure et tout à l'heure je t'ai fait écouter du Mercure. Donc clairement. Tu m'as fait goûter du Mercure aussi. Oui, une fois, mais c'était pour déconner. Ouais, c'était donc, drôle. On va pouvoir essayer. En fait, c'est presque une chanteuse lyrique qui après part en gros black metal. C'est vraiment les deux. C'est-à-dire qu'on a vraiment des morceaux folkloriques. Alors, j'avais envie de dire à la voix de Runa, mais c'est pas tout à fait ça. Mais un peu dans l'idée celtique, et ben, ambiance un peu comme ça. Ouais. Et qui part d'un coup en vrai black metal, où elle chante vraiment black metaleuse. Ah, c'est avec old school, ouais. C'est très, très, très... Le mélange est très particulier et fait très bizarre. Et je comprends qu'il y a certains... en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de fans de true metal qui ont dû se dire « Elle se sert de ça pour se faire connaître dans ce milieu-là. » Parce que ça fait vraiment projet opportuniste, quoi. Ça fait vraiment, oh, j'ai vu la faille. Un peu comme, d'une certaine manière, a pu l'être Zylénar d'Or, tu vois, le côté, je mélange deux trucs pour atteindre le public de black metal, alors que t'as pas du tout l'impression qu'il est black metaleux, quoi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je dis pas que c'est le cas pour l'un et pour l'autre, je dis, à mon avis, c'est comme ça que ça a été reçu. Le côté, ah bah c'est vachement, comme tu m'as dit tout à l'heure, ah c'est des musiques opportunistes, quoi. Voilà, mais comme tu m'as dit, le peu que je t'ai fait écouter, dit, ah, ça fait penser, enfin, c'est vraiment à la mode ce genre de truc de musique. Ah oui, oui, oui, côté, tout à fait. Et derrière, oui. Partir en black metal et essayer d'atteindre en fait deux univers en disant, plutôt que d'avoir une, je ne dis pas encore une fois que c'est le cas, j'imagine, plutôt que d'avoir une vraie identité artistique, de dire, tiens, j'ai trouvé un mélange qui pourrait aller bien, de se dire, eh, peut-être que les deux pourraient marcher. Voilà, c'est tout ce que je soumets l'idée. Maintenant, petite parenthèse, parce que c'est important. Donc, ça, c'était Mercure. Maintenant, Mercure Folk Singe est une série de concerts où elle interprète des chansons folkloriques nordiques traditionnelles et des versions acoustiques de ses propres compositions. C'est pour ça que le morceau ce matin que j'ai posté en fait un extrait de concert, parce qu'il n'y a pas de morceau j'ai pas pu écouter de trucs, alors sauf sur ses albums où il y a une version acoustique d'un truc, mais en dehors de ça j'ai pas. C'est vraiment, t'as deux trucs différents sur sa page Facebook, t'as pareil, t'as les concerts de Mercure d'un côté et les concerts de Mercure Folk Singe d'un autre. Folk Singe, pardon, d'un autre. Donc, j'ai pas trop d'avis sur sa version acoustique. Le tonnerre ou des gens qui sont dans ta cuisine. C'est tort, je l'ai invité à prendre l'apéro, je suis un peu en retard. Oh, le salaud, il a commencé sans toi. Du coup, mon avis est assez particulier. En vrai, les premières fois que j'ai écouté, je me suis dit, c'est pas forcément désagréable. Je comprends tout à fait pourquoi ça peut déplaire à des gens. le fait que ça passe sous la temple est lié juste au côté black metal. Je pense que ça aurait presque pu avoir un petit côté avec la vallée, mais ça peut aussi marcher sous la temple. Hein? Donc ça passe face à Def Leppard, qui est en main stage, et les Vampass en Warzone. Et en fait, étonnamment, maintenant que je vois cette information, je pense que je pourrais aller voir pour avoir un avis précis du truc, tu vois. Je comprends. Le côté les ventes passent, bah, c'est pas forcément ma cam. Def Leppard, j'aime bien, mais ça reste en main stage et c'est toujours à 20h45, autant dire. C'est mort. Voilà. Donc j'irai peut-être jeter un œil, au moins par curiosité. C'était pas désagréable, mais c'est pas forcément ce que j'écouterais. En tout cas, c'est un mélange particulier. Toi-même, t'as trouvé ça particulier un peu ? Oui, oui, assez, oui. Est-ce que ça t'a donné envie d'en découvrir plus ? Alors, comme ça, de but en blanc, je te dirais non. Hein, un non franc et honnête. Hein, ouais. Parce que c'est pas ma cam du tout, de base. Après, peut-être à voir sur scène. Ouais, moi, je suis un peu curieux. Vu ce que tu m'as expliqué, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner sur scène. Hein. Voilà. Ouais, complètement pour le spectacle, quoi. C'est ça. Donc, sachant que donc ça sera une version un peu acoustique, quoi. Donc à voir. Bah voilà. Voilà. Écoute. Donc voilà ce que j'avais à dire pour Mercure. Je serai sûrement en train d'y jeter un œil. Et puis certainement aussi pour les mêmes raisons que toi, hein, du coup, les scènes en face, quoi. Bah ouais. Ça joue aussi. Hein. Oui, oui, oui, complètement. Je t'en prie. Donc, mon troisième groupe, c'est ça, hein, était Gvelar. Deuxième. Ouais, deuxième, ouais. Deuxième. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Deuxième. Gvelartak. Qui Gvelartak. Qui jouera le vendredi sous Altar de 19h40 à 20h40 face à Ultra Vomit et Graveyard. Et rappelle-toi, la semaine dernière, je t'avais dit, ouh, ça va être compliqué. Oui, Graveyard, oui, c'est sûr. Alors, excuse-moi, j'avais des petits relents de bras crevés. Alors, Gvelartak, qui est un groupe de heavy metal norvégien, originaire de Stavanger. Les textes de Gvelartak sont tous en norvégien. C'est pas grave. C'est, voilà, ça se soigne très bien. Leurs influences principales sont à rapprocher du black metal et du punk rock. D'accord. On le ressent bien quand on les écoute. Leur premier album, Gvelartak, est publié en 2010 et vendu à plus de 15 000 exemplaires en Norvège. Ce qui est déjà un bel exploit. C'est pas mal. Voilà. Moi, j'ai déjà pas été en Norvège. Non. Parcimonie, si, elle a été en Norvège. Ah bon ? Ouais. Pour faire quoi ? Pour aller voir le musée des trolls. Cool. Et pour aller voir la Norvégie et les Norvégeois. Elle a bien aimé ? Ouais, un grand souvenir. Cool. Gvelartak, qui est un mot norvégien signifiant main mise. D'accord. Voilà. Hein, étranglement ou étouffement. Ah, c'est. Ou je vais te buter, sale con. Crève, saloperie. Enfin, on est quand même sur un truc déjà. Assez violent. Hein, ouais, enfin, ça reste de la violence violente. Hein, Ah oui, il y a quand même. D'accord. Ah oui, oui, oui. Ouais. Donc, le groupe se forme en 2007. Originaire de Stavanger, ça je l'ai dit, de Norvège. Le groupe est composé de Herling Hevlik au chant. Des guitaristes Vidar Landa et Bart Lund Roland et Massik Orsan, du bassiste Marvin Nygaard et Kvetil Kremundrod à la batterie. Peut-être qu'elles ont raison sur l'accent. Pas évident. Hein. Peut-être qu'elles ont raison. Ouais, enfin, l'accent anglais, on le travaille depuis qu'on est jeune quand même. Hein. Ouais. Le norvégien, on. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Oui, voilà, c'est ça. Si j'avais l'occasion. Non, mais après, c'est présenté. Facile de juger. Hein. Oui, alors, c'est sûr. Hein? Hein, quand bon. On n'est pas capable de donner des cours à des gens, des néophytes. Le groupe se fait connaître grâce à une démo, West Coast Holocaust. Très bon titre. Très très bon, t'as vu mon norvégien un peu ? Ah ouais. Je l'ai amélioré d'un coup. Et de nombreux concerts lors de quelques festivals au Danemark et en Hollande. Ah, le fameux Hollande. Les fameux Hollandais. Fin 2009, il signe un contrat avec le label Indie Recordings, et prennent contact avec Kurt Balouk. Bah oui. Non, parce que Kurt, bah oui, on peut penser tout de suite, on dit ah, dis donc. Ouais. C'est pas possible. Kurt Balouk de Converge. Ah. Comme quoi, le monde est petit. Il en faut peu pour être heureux. Le premier album, Gvelartak, du groupe, est éponyme, forcément, hein, est publié en 2010 et vendu à plus de 15 000, ça je l'ai dit. La pochette de l'album est réalisée par John Beasley de. Cling, cling. Je l'ai pensé tout de suite. Quand tu vois les pochettes, tu te dis ça, c'est réalisé par John Beasley. Bah oui, de Baroness. Exactement. Appelle-t'en-en, Beasley. C'est grave. Leur second album, Mayr, est sorti en mars 2013. Le troisième album du groupe Natesferd est publié le 13 mai 2016. Et oui. Voilà, donc ils ont trois albums. Très bien. Et voilà, à toi. Mais non, c'est là que tu dis qu'est-ce que t'en as pensé. Ah oui, alors, oui, tout à fait. Donc, Gvelartak, j'ai été ultra surpris quand j'ai écouté la première fois. Franchement, ça fait... Et c'est ça que j'aime bien, justement, dans la musique, c'est être complètement surpris. De là à dire que j'aime bien Gvelartak... Et oui, t'adores. Oui, j'adore. C'est mon amour, mon trésor. Non, j'aime bien Gvelartak, ouais. J'ai bien aimé. J'adore pas, mais ouais, il y a ce petit côté surprenant dans la musique et tu sais pas à quoi t'attendre à chaque fois que t'écoutes un morceau, quoi. Ça commence en punk, ça va finir en black metal. Ah, mais et puis d'un seul coup, ça va reprendre en punk et puis ça. Ils ont changé de chanteur, je crois. Récemment. En fait, ils ont fait les trois albums et ils ont changé de chanteur. Enfin, c'est lui qui est parti et donc il a été. Voilà. Ouais. Et en fait, le nouveau chanteur n'a pas fait d'album avec eux. Non. Donc je sais pas, moi ça peut changer par contre du coup. Ça peut changer. Parce que j'aimais bien Gvelartak avec l'ancien chanteur, ouais. Donc j'ai pas... Avec sa tête de hibou. Ouais. Et dis-toi qu'ils étaient en première partie de Metallica la dernière fois que j'ai été les voir et je l'ai raté. Ben bravo, tiens. Je suis arrivé à la fin du concert. Super. On trouvait pas de place. Ouais, on peut pas tout le temps avoir des places carrières. Mais du coup alors... Cubeur. Du coup alors j'ai bien aimé. Et il passe en face de qui, tu m'as dit ? Est-ce que tu achèterais un CD ? Pas forcément, mais j'écouterais volontiers sur... Est-ce que tu achèterais deux CD ? Oui, ah oui, complètement. Ah bah tu vois, ouais. Il passe face à Ultra Vomit. Ah, et Graveyard. Ah là, il passe en... Altar. Graveyard en Valais. Sûrement. C'est jouable. À 19h40 ? C'est jouable. Fait encore jour, il fait beau. Ah, mais Gvelartak, il va avoir pas mal de monde, je pense. C'est jouable. Je commence par Gvelartak. Et tu files voir Graveyard. Et je vais après voir Graveyard. D'accord, très bien. Bon programme. Et je t'envie presque. Je pense que je vais faire comme toi. Au pire, je t'invite. On se boit une bière. Et bras dessus. Bah ouais, tout est joué. On fait ça, moi je veux bien, ça me branche complètement. Bon, bah voilà. Bah on fait ça. Merci. Mon troisième groupe, sauf si tu avais quelque chose à ajouter. Non, c'est très sympa, Gvelartak. Franchement, je le conseille. Ah bah. C'est surprenant. Moi aussi. Parce que et j'imagine que sur scène, ça doit être aussi surprenant et déchaîné. Ça doit déchaîné. Être full sentimental, je pense. Ouais, mais soif d'idéal. Donc, mon troisième groupe, et encore, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un groupe ? Non, mais c'est pour dire le côté monument. Ah oui, d'accord. C'est Emperor qui passe le dimanche en Temple de 20h30 à 21h45, joli set, face à mais Lamb of God en main stage et Beartooth. Ah, on est déjà face en Beartooth qui doit être en Warzone. Warzone, j'imagine. Ouais. Pourtant, c'est pas forcément. Enfin, j'ai vu les deux déjà en concert, moi, je peux déjà te dire. T'as vu Emperor et Beartooth ou non, j'ai vu Lamb of God et Beartooth. Ouais. Warzone, bon, il y a peut-être plus de place ailleurs. Alors, préambule. D'accord. Carrément. Il était une fois, Samos, qui fait de la guitare et de la batterie, Isan, alors on dit Isan ou Isan, ton avis ? Oui. Non, parce que je vais le dire plusieurs fois, donc ça... tu dirais quoi, ah, toi ? Tiens. Merci. C'est cuit. Je vais la faire à chaque fois. Hein. Ah, mais ça, parce que ça doit être ça, hein. Attends, parce qu'on va me dire la bliblablablablou. Ah oh, non, pas du tout. Tu peux m'enlever le contrôle parental, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir. Donc, on dit quoi ? Isan ou Isan ? Ton fils qui veut regarder un porno ? Je sais pas. Tu dirais quoi, toi ? Alors, c'est I-H-S-A-H-N. A-N ? Ouais. Isan. Isan ? Il y a un H entre le I et le S. Isan. Isan ? Isan, moi je dirais. Partons sur Isan, alors. Alors, très bien. C'est bon, tu peux enlever le contrôle parental ? Oui, c'est fait. Et de la batterie. Isan, qui fait de la guitare et qui chante, et Mortis, qui joue de la basse, et c'est tous ensemble qui décident de former un groupe de death metal dans les années 90. Tu me suis ? Parce que je te dis ça, parce que comme tu vas pisser, c'est pour... Oui, je te suis. Je continue quand même ? Oui, continue quand même. Alors, un groupe du nom de Dark Device, mais qu'il change en Xerasia sur la période 90-91. Avant de changer encore de nom pour... pour Embryonique. Et nous voilà en 91, où cette fois, le groupe s'est enfin décidé et s'appellera désormais Two Shall Suffer. Mais comme une année, ça peut être long, le groupe qui croise la route d'Euronymous, le mec de chez Mayhem, tué par Varg, de Burzum, et influence assez le groupe qui décide de se mettre plutôt au black metal et de changer de nom pour... Empereur. Merci, Bob. On a l'impression qu'il est loin alors qu'il est juste dans la pièce d'à côté, il pisse dans l'évier. C'est un lavabo d'ailleurs. C'est un évier ? Évier ? Ah, une double vasque, parce que monsieur est riche. Donc, Empereur est un groupe de black metal norvégien originaire de Notodden dans le comté de Telemark. Aucun lien avec Ulysse. Formé en 91, le groupe est considéré comme un des pionniers du black metal symphonique. Après deux démos en 92, Samoth lâche un peu la batterie pour se consacrer à la guitare, les fûts étant laissés à Faust, tandis que Mortis prête sa basse à Chort. On se relève les manches et on sort le premier album en 94, In the Nightside Eclipse. Mais, attention parce que c'est très important, à la suite d'une série d'événements en 92 et 93, Samoth est incarcéré pour incendie criminel d'église et Faust pour meurtre. Quant à Chort, il est poussé à quitter le groupe à la suite d'une enquête policière. C'est des petites bêtises d'adolescence. Hein. Ne reste plus que seul en liste Izan, qui compose le prochain album qui sortira en 97, Anthem to the Walking at Dust. Album conseillé par... Metalian. Non, par Trent sur notre page. Mais bon. Après la libération de Samoth et les potes venus aider à compléter le line-up, bien sûr, c'est un succès. Et... bien sûr, c'est un succès. Ah oui, d'accord. Pardon, excusez-moi. Bien sûr, c'est un succès. Album de l'année, tout ça. Tout le monde a dit, ah là là, il est trop bien cet album d'Empereur. Les pionniers du black metal symphonique. Bien sûr. Ah, trop super. 99, tout va bien. Personne ne brûle d'église ou ne tue qui que ce soit. On publie 9 Equilibrium et on fait des tournées en Europe et aux États-Unis. C'est en 2000 que Samoth a envie de retourner faire un peu de death metal, alors qu'Izan, lui, se sent plus progressif, plus artistique et plus travaillé avec sa femme. 2001, le groupe se dissout après la publication de Prometheus de Discipline of Fire and Demise, un album composé entièrement par Izan. Le groupe se dissout pour divergence musicale, ce que j'ai dit, mais également pour réseaux personnels et judiciaires. Chacun part vaquer à ses différents et nouveaux groupes, mais se retrouve en 2005 pour quelques concerts. Donc on est quand même sur une base de 4 albums pour l'instant. Hein. Tête d'affiche au festival Inferno de Norvège, Hoveken et l'édition 2007 du Hellfest. 2014, le groupe dans sa configuration type premier album qui fête ses 20 ans, revient sur scène. C'est donc le retour de Faust derrière les fûts et le retour à Clisson pour le Hellfest 2014. 2017, le groupe qui vient de s'apercevoir que c'était les 20 ans de leur album de la vie, Anthem to the Waking at Dusk, se dit que ça serait pas mal de faire 7 concerts ou réinterpréter en entier l'album. Et revient encore une fois au Hellfest. Mais sans Faust, reparti on ne sait où et on s'en fout un peu. Donc Empereur, c'est plein de noms différents, du black metal trou, de la base du noyau, un chanteur au nom imprononçable, 4 albums studio, plusieurs démos EP et split qui se baladent un peu partout, une compilation, des albums live, 5 pour être précis, quand t'as plus d'albums live que d'albums studio, c'est qu'il y a un problème. Et donc le quatrième passage du groupe à Clisson, autant dire des habitués qui doivent avoir les clés du site, je pense. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Dis-nous tout. C'est du pur black metal. Donc déjà, je pars avec quelques... pas... comment dire... je pars un peu en reculons. Déjà, pour pas y aller directement. J'ai pas été méga fan de leur album Le meilleur de la vie qu'on nous a conseillé. Anthem. Par contre, j'ai bien aimé leur dernier album où justement on voit qu'Izan va vers une voie un peu plus progressive. M'a beaucoup plus intéressé celui-là. Après, sur le principe, ça reste du black metal, c'est pas forcément mon délire. Je trouve que c'est plutôt bien fait et bien produit. On n'est pas sur du... Même dès le premier album, on n'est pas sur le côté true black metal qui s'en fout d'avoir un son propre et tout ça. Non, on est sur quelque chose quand même de carré. Ouais. Même si la voix est vraiment très, dans les premiers albums, très true black metal. Ouais. Sur le dernier, on est sur quelque chose déjà d'un peu plus... voilà. Je sais pas si c'est lié au fait que ça soit le seul à avoir composé, mais... Après, j'ai pas écouté ce qu'a fait Izan tout seul, mais voilà. c'est pas pour moi. J'irai pas les voir. Je préfère retourner voir Lamb of God en main stage, mais c'est pas ma cam. Ou alors j'irai juste peut-être jeter un œil pour me dire le groupe, techniquement, ne fait plus que quelques concerts, n'a pas republié d'album depuis donc 2001, je crois. Ouais. Donc on est quand même sur un petit peu un groupe qui n'existe plus trop. Ouais. Donc peut-être pour l'histoire, dire hey, « Hé, j'ai vu un pro !» Mais au-delà de ça, c'est pas pour moi, c'est pas ma cam. Mm. C'est pas nul. Je pense que les fans de black metal aiment et je vois pourquoi ils aiment bien. C'est juste pas pour moi. Donc voilà. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. Merci, Tatoua. C'est un plaisir. Ça fait du plaisir. Effectivement. Heureusement que je fais des grandes chroniques pour te donner le temps d'aller pisser. Hein. Non, mais c'est bien. Bah, c'est... Tu vois, comme quoi on se complète. C'est exactement ça. Je pense que c'était prévu. On a ce côté, tu vois, très, très complétage. C'est beau ce que tu dis quand tu parles. Ouais, je sais, mais c'est notre amitié, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je suis allé, on est amis, c'est ça? Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Non, non, oui, si. Ouais, non, je, des fois. Je... On est partner in crime. Hey, représente. Les All-Stars. Ghetto. Voilà, voilà. Mon troisième groupe? Bah, par exemple. Oh, bah écoute, c'est Nasty. On dit pas Nastai. Nastai. Alors, Nasty, Nastai. Ça, ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. Ouais. Nastai. Mais dis comme tu veux. Ouais, c'est... Tu dirais quoi, toi? Ouais, Nastai, ouais. Pourquoi pas, Nastai, ouais. C'est ça, ouais. En même temps, on dit Stinky. Ouais. Stinkai, ouais, c'est vrai que ça... Non, bah... Nasty. Moi, voilà. Je vais dire Nasty. Nasty qui... Bah, on dit bien City. On dit pas Sitai. C'est vrai ce que tu dis. Tu vois? Oh, c'est... Les... Je vais dire Nasty, écoute. Ça me va. Ah, moi, j'ai pas eu confirmation du groupe, comme quand on disait Nastai. Donc, je vais dire Nasty. Très bien. Donc, groupe qui joue le dimanche en Warzone de 18h35 à 19h35 face à Anthrax et Skald, qui est un groupe de vikings. Tu connais? J'adore. Ah ouais. Alors, Nasty, qui est un groupe belge de hardcore beatdown. Possible. Tu sais ce que le beatdown? C'est un J'ai beat, fait des recherches. Un beat qui ralentit? Non. Oui. Un beat en dessous, peut-être, je sais pas. Peut-être le voisin du dessous, du coup. Alors, le beatdown, qui est originaire de New York, du mouvement hardcore. C'est pas du tout en Belgique, ça. Non. D'accord. Je te parle du beatdown. Ouais, non, mais je, c'est pour situer. Alors, également appelé Heavy Hardcore, True Guy Hardcore, Chug Core, Beatdown Metal, ou simplement Beatdown. Ah voilà. Oui, d'accord. C'est un sous-genre du punk hardcore ayant émergé au tout début des années 90 aux États-Unis, notamment avec des groupes comme Next Step Up. Tu connais? Pas du tout. Moi non plus. Mais c'est surtout autour de la scène hardcore de New York, voilà, le meilleur, que le style se développe avec le groupe Bulldoze, réputé pour avoir inventé le genre. C'est juste une réputation. Hein. Après, ils sont peut-être pas... Les rumeurs. C'est ça. Alors, donc voilà, créé en 2004, à la A, entre guillemets, la Calamine, composé actuellement de Matty au chant, Paddy à la guitare, Barry à la basse, Nash à la batterie. Leur premier album, Declaring War, Déclarer la guerre, est sorti en 2006 chez Fuck This Recordings. Comme quoi, les mecs, c'est... Ah ouais, mais jusqu'au bout, quoi. Ouais, non, mais ils vont te péter ta gueule. Vous avez une boîte postale dans ton cul, connard, CEDEX. Voilà. Fuck, fuck, fuck. OK. Donc, voilà. Donc, le suivi de leur deuxième album, Aggression. Mais de la violence. Ouais, que de la violence. En 2008, et Give a Shit. Oh, bah, allez, c'est... Voilà. Ça sent bon d'un. En 2010, chez Good Life Recording. Good Life Recordings. Paradoxe. Totalement. Voilà. Après avoir signé chez le label Beatdown Hardware, Nasty enchaîne avec Love. D'accord. En 2013. Et Shoka en février 2015. Et Religion en septembre 2017. Comme quoi, c'est des mecs, ça chôme pas, ça... malgré la bagarre, la violence, ah oui, non, mais... tout ça, hey. Ça chôme pas. Le week-end, ça prend des nions, et la semaine, ça retourne bosser. Hein. C'est ça, exactement. Que te dire sur ces personnes qui aiment la violence, apparemment, hein, parce que le nom du groupe, les labels, les titres d'albums. Je sais pas. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire? Bah que c'est de la violence, hein. Que c'est exactement ça, hein. C'est nasty, c'est beatdown hardcore, quoi. Donc c'est... du coup, la Warzone, c'est bien trouvé? Ah oui, complètement. Je pense que la Warzone est justement trop gentille pour eux. Je pense qu'à mon avis, ils vont se faire chier, hein, les gars. Ils vont descendre dans la fosse pour péter des gueules, hein, je pense, à mon avis. Ils vont te sauter dessus. Moi, je pense que je vais regarder de loin. Ah oui? Dans les grades. Hein. Mais tu vas regarder. Mais je vais regarder quand même. Et écouter volontiers. Parce que t'as bien aimé. J'ai bien aimé. Alors, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Parce que j'imagine que les mecs... Enfin, déjà, au bout d'une chanson, les mecs me paraissaient tellement... Épuisés. Qu'au bout d'un morceau, tu dis, putain, le mec doit être épuisé. Donc là, au bout d'un set, combien de temps il joue? Une heure. Il joue une heure? Eh ben, les mecs, je sais pas, ils doivent être ultra sportifs ou... je sais pas. C'est peut-être ça le secret. Ouais, ben ouais. 2-3 Red Bull, un peu de sport et bam! Parce que franchement, c'est... À les entendre, c'est un putain de sport, quoi. C'est... c'est l'hexagone, c'est ça qu'on dit, non? Comment on dit les bastons? L'octogone. L'octogone. Et t'as la musique, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le... T'as ce côté-là, quoi. C'est... t'en prends plein ta gueule, quoi. Mais t'as bien aimé ou pas? Est-ce que j'ai bien aimé? Alors, j'ai bien aimé dans le sens où je me dis que, ouais, c'est une putain de pas d'expérience, mais de... La curiosité, ouais, je suis assez impressionné par l'énergie qu'ils peuvent émettre, quoi, les mecs, quoi. D'accord. Mais musicalement, ça t'a moins touché? Ouais, ça m'a pas touché plus que ça. Hein, musicalement, je trouve que c'est justement trop violent. Ah, je sais pas. Écoute, moi, j'ai pas beaucoup écouté. J'ai écouté vite fait. Et j'ai beaucoup aimé musicalement. Moi, ça me parle totalement. Je suis complètement... ouais. Ouais, c'est du hardcore. Hein. Ah, ça reste du hardcore. Mais du hardcore. C'est... Tu sens que ça transpire la violence, quoi. Ah, mais ouais. Enfin, l'énergie, moi, je dirais. Ouais, non, mais c'est ce que je disais aussi. L'énergie, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce mais que j'ai remarqué. Mais t'as ce mélange, justement, d'énergie et de violence, quoi, qui fait que... Alors, est-ce que c'est l'énergie qui te donne... Non, je pense que c'est plutôt la violence qui va te donner cette énergie. Tu vois, bah, ouais. En tout cas... c'est face à Anthrax et Scald. Scald qui passe certainement en Temple ou en... Oui, je pense. En Alter, oui. Donc pas loin de la Warzone. Pas loin, pas loin. Ouais, enfin, pas loin, c'est, oui, c'est assez paradoxal. Hein, oui, c'est un peu quand là, tu c'est commences large, à marcher. C'est sur le même site du Hellfest, quoi. La même année. Oui, c'est ça. Ce qui reste assez compliqué, du coup. Ce qui n'aide pas. Non, je suis d'accord avec toi. Et du coup, par exemple, t'as... Ah, je ne sais pas. Franchement, t'aimerais bien voir sur scène ce que ça va donner, mais tu ne serais pas du style à aller acheter un CD, par exemple. Ah non. On en est loin. Ouais. Temple pour Scald. Ouais. C'est tout droit, en même temps. Bah, c'est ça, ouais. Ouais, tu sors de... Bah, tout droit, hein. Faut que tu contournes juste le pissoir, mais sinon... Très, donc... C'est jouable. D'accord. Très, ouais, bien. C'est jouable. Moi, le peu que j'ai entendu m'a donné quand même bien envie d'aller en écouter plus. Mais vraiment... Moi, ça... Mais je suis assez curieux de les voir sur scène, justement. C'est ce côté énergique. Tu sais, comme peuvent les avoir... Ça y est, je les ai plus. Dillinger Escaplane. J'étais curieux, ouais, de les voir, tu vois, ce côté très... cette violence canalisée, vraiment, tu vois, t'avais ce côté... Ah bah là, après il y avait, ouais, il y avait autre chose avec Dillinger aussi, le côté barré Mais musicalement je trouvais ça assez violent, moi, Dillinger, les basses à mort, enfin, je veux dire, c'était et même Pucciato. Non, en fait c'est marrant parce que moi je me rends compte que j'ai lu pas mal de chroniques aussi, en fait, je trouve jamais ça violent au sens propre, c'est rare. Non, c'est pas au sens propre, je non mais vraiment, oui, mais je comprends, mais moi ça me, enfin, c'est pas le mot qui me vient, moi, dans ces moments là c'est pour ça que c'est très c'est rare que je vois le mot violent, quoi. Même dans les trucs les plus hard et tout, c'est pas violent, moi, ça. Je crois que j'ai un filtre que j'ai mis dessus. Mais c'est... Là, c'est perso, là. Tu vois, je veux dire... Non, mais après, je te parle pas de la violence. Oui. La violence, quoi. J'ai bien compris. Voilà. On n'est pas au mec en là, on est dans le l'art, on est dans la musique. Donc, tout du coup, c'est complètement différent. Mais complètement. Très mais bien. Ouais, non, après, il y a des groupes qui vont passer... alors, j'ai plus les noms. C'est un prénom et un nom qui va passer sous la vallée et que j'ai envie de voir, et c'est un peu dans le même esprit, tu vois, c'est là cette année, ouais, je te redirai. T'as une journée? Ah, je l'ai. Putain, je l'ai sur le bout du nez. Est-ce que t'as une journée? Non, j'ai même pas la journée, j'ai même pas le... Uncle Acid? Non. Bon, non. C'est pour... Will Haven? Will Haven, je crois. Ouais, ça. Ça reste assez... dans le même esprit. Phil Anselmo? Tu l'as lu cette année? Bah oui, tu l'as chroniqué. Oh merde! In the Eagles. Bon, très bien. Autre chose à ajouter sur Nasty? Non, non, non. Très bien. Non, non. Bah, après, voilà, je le conseille aux fans de hardcore. Qu'ils doivent certainement connaître. Ou pas. Peut-être pas, d'ailleurs. Voilà. Tu vois. Donc, je passe à mon dernier groupe. C'est vrai? Qui est Death Angel. Ah, Wouhou, tiens, c'est quoi ça? Yes, yes, yes, yes, yes. Ah, ah, ah. Merci, la commu. Je vous en prie, vas-y. Bien sûr. Death Angel, qui passe le dimanche, mm-hmm, en Main Stage 2, mm-hmm, de 13h35 à 14h15. Mm-hmm. C'est court. Voilà. Donc, face à Semican, mm-hmm, et Employ to Serve. Employ to Serve, tu l'as pas fait, toi? Employ to Serve, si. C'est un peu dans le même style, je crois, de mémoire. Peut-être, peut-être. C'est assez... colère. Assez colère. Eh bien, du coup... Donc Death Angel était un groupe que j'attendais de pouvoir écouter. Le podcast a créé une dépendance qui fait que je n'écoute plus de groupe si je ne les tire pas au sort avant. Oui. Ah, ça, tu l'avais déjà expliqué dans la saison 2. Ouais. Ah, ouais. Non, c'est... Donc Death Angel est un groupe vachement bien de thrash metal. Un américain originaire de la BARA de San Francisco, bien connu pour leur Big Four. Tiens ! Qui comprend d'autres groupes vachement bien. Formé en 82 par les cousins Rob Calvestani à la guitare et Dennis Pepa au chant et à la basse, Gus Pepa à la guitare rythmique et Andy Galeon à la batterie, avec tous des racines philippines. Après plusieurs changements de nom, le groupe s'arrête sur Death Angel d'après un livre qu'ils ont vu en magasin. Après une première démo en 83 plus axée heavy metal et un de leurs cousins, Mark Oseguida, devient chanteur du groupe. En 84. Et effectue sa première tournée avec Megadeth. Comme le monde de la BARA est assez petit à cette époque, le groupe enregistre sa première vraie démo, enfin celle que l'histoire retiendra principalement, parce qu'elle a été produite par un certain Kirk Hammett, qu'ils ont rencontré quelques années avant. Et là, c'est parti. Premier album 87, The Ultra Violence, alors que les membres n'ont même pas tous 20 ans. Le batteur en a 14, par exemple. Après, je ne suis pas sûr des dates de tout ce bordel. Ouais, parce que... Apparemment, ils ont leur particularité à l'époque, c'est d'être très jeune et donc d'être très fort très jeune. 88, deuxième album, Frolic Through the Park, qui comprend le single Board, utilisé pour The Texas Chainsaw Massacre 3. 90, troisième album, Act 3, avec des éléments de funk, de thrash et heavy metal. Tout va pour le mieux jusqu'à la fin 90, où, roulant vers un concert qui les attendait à Las Vegas, le bus du groupe a un accident. Le batteur est grièvement blessé, Mark, le chanteur, quitte le groupe et emménage à New York pour une vie hors de la musique. L'accident l'a traumatisé. Été 91, avec un Galeon de batteur totalement rétabli, les membres restants se reforment, mais sous un autre nom, donc avec un autre chanteur, parce que sans Mark, ce n'est pas Death Angel, c'est donc sous le nom The Organization que le groupe, plus funk, plus rock alternatif, publie deux albums. 98, des retrouvailles se font entre le batteur, le guitariste et Mark Oseguida, en formant le groupe Swarm et publie deux EP, un 4 et un 5 titres. 2001, c'est la réunion officielle du groupe qui dure depuis avec son lot quand même de départ régulièrement, mais tout de même 5 nouveaux albums et un 6e pour dans une semaine ou deux là. Bref, Death Angel, c'est du très bon trash avec quasiment 10 albums, des cousins philippins anciens et membres restants et bientôt des CD dans ma collection. Parce que j'ai... Alors... Ultra kiffé. J'avais entendu lors de l'année dernière, après une fin d'album, tu sais, Spotify a tendance à enchaîner directement. J'étais tombé sur une chanson, j'ai dit, tiens, c'est vachement bien, c'est quoi? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était Death Angel. Et j'avais pas été plus loin à cette époque-là. Et là, c'est revenu cette année avec la sortie du nouvel album et le single Deshumanization ou un truc comme ça, qui était sur un des samplers. Et je t'avais même fait écouter quand on avait été à la Warm Up. Je t'avais dit, tiens, t'as vu, regarde, c'est avec le truc de la batterie qui faisait truc, que je te disais que j'aimais bien. Ah oui. Le fameux double. Voilà. Et donc, alors, cette semaine, j'étais ultra content de pouvoir retomber sur le groupe. Donc, je suis reparti de zéro. Et étonnamment, le premier album m'a pas plus emballé que ça. Parce qu'on était sur vraiment du trash de 87. Donc, pas forcément le... Oui. C'est du début, quoi. C'est, on le était plus sur propre, c'est sûr. Voilà. Et en fait, c'est vraiment, par contre, on va dire, 2-3 albums plus loin que là. Alors là, tous les albums, je les adore après. Vraiment, je dirais qu'à sûrement à partir de la reformation, je pense principalement, mais j'aime vraiment tout. Dans chaque album que j'ai pu écouter, j'ai trouvé des trucs hyper intéressants. Même dans leurs ballades, je trouve qu'il y a des trucs qui sont fous, parce qu'ils n'hésitent pas justement à incorporer d'autres trucs. Et c'est du trash comme j'aime. Et partout, j'ai essayé de lire des trucs sur le groupe. J'ai vu que c'était un groupe, apparemment exactement comme Diamond Head, qui était des groupes sous-cotés. Tu vois, qui mériterait d'être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Ouais. Et tu vois, Death Angel, ils jouent de 13h35 à 14h15. C'est tôt et peu pour un groupe quand même qui est là depuis si longtemps. C'est clair. Mais voilà, le groupe n'a pas autant cartonné que ça. Par contre, c'est super bien. Et ils font des... Parce qu'ils étaient en interview ce mois-ci dans Rockard. Ils font des concerts tous les ans pour le 31 décembre à San Francisco pour leurs fans. Donc, tu peux passer le jour de l'an à un concert de Death Angel. C'est cool. C'est stylé. Bref, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc vraiment, je dirais vraiment à partir de la réunification, il faudrait que je réécoute les premiers albums pour me refaire un avis. Mais c'est vraiment après que j'ai kiffé. C'est du trash comme j'aime. C'est vraiment, voilà, c'est top. C'est top, je le recommande. N'hésitez pas, allez-y, foncez. Je serai forcément devant. Voilà. J'ai hâte de retourner en écouter, là. Donc, ah ouais? Ah non, moi j'ai envie de. Tu sais, c'est comme quand tu découvres un CD, tu dis, c'est cool, t'aimes bien, et t'as envie d'aller réécouter les autres, et t'as envie de réécouter pour vraiment mieux connaître. Tu vois, vraiment te plonger dans le truc. Et là, j'ai envie de me plonger vraiment dedans. J'ai beaucoup aimé. Ce qui aurait été marrant, c'est que j'aime pas du tout. Et quand j'ai écouté le premier album, je fais, c'est pas si fou. Tu vois, donc j'ai laissé un mode, est-ce que je me suis planté? Mais non, là, vraiment, ouais. Il y a quand même un vrai truc que j'ai bien aimé. Ou alors, je me mens totalement à moi-même pour être cohérent avec ma pensée. T'imagines. C'est vrai. T'es fort psychologiquement. Tu fais des choses. Ah, ils sont séparés un moment? Bah, moi, j'aime que quand ils se remettent ensemble. C'est ça. Voilà. Putain, le pouvoir de la suggestion. C'est dingue. Bah, donc, mon dernier groupe. Hein. Ton dernier groupe. Voilà. qui n'est entre autres. Je sais plus. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. Voilà, je ne sais plus. Non, moi j'aime bien. Je ne sais plus. Ah OODM, qu'on les appelle aussi. C'est vrai, on peut les appeler comme ça. Voilà. J'ai entendu ça. Qui est les initiales, tout simplement, de Eagles of Death Metal. Qui vont jouer le samedi en Main Stage 2. De 17h35 à 18h20 face à Moonspell et Kevin. Je serai devant Kevin. Voilà. Déjà, ce petit pincement pour dire je serai pas devant Eagle of Death Metal. Pas devant Eagle of Death Metal. Parce que je les emmerde. Démerde-toi avec ta chronique. Moi, je vais. Ma chronique. C'est pas non plus. Alors, donc, on va quand même faire les choses professionnellement, oui, parce que toujours. Ce que tu veux dire, c'est que tu connaissais déjà bien le groupe. Oui, bah oui aussi. Ouais. Donc, pays d'origine, États-Unis. Comme on branle. Donc, ils jouent du hard rock, garage rock, blues rock, rockabilly. On appelle ça de la musique. Desert rock, boogie rock. Année d'activité 98. Quand même. C'est vrai. Année d'activité 98. Ah, c'est récent. Non. Bah, ça a 21 ans quand même. Hein, c'est pas rien. Donc les membres ne sont entre autres que Joe Shaum, bien connu pour ses fresques photographiques ou ses coups de pied dans les photographes, je sais plus. Jess Hughes, bien connu pour avoir perdu beaucoup de kilos. Ah bon? Ouais, il faisait 120 kilos avant. Ah, c'est pas pour dire de la merde. Et Dave Catching. Voilà. Bon, il joue pas avec Joe Shaum à chaque fois. Hein. C'est du gros mensonge, tout ça. Hein. Oui. C'est des menteries. Ça, c'est de l'arnaque. Voilà. Donc, Eagle of Death Metal est un groupe de rock américain originaire de Palm Desert, en Californie. Il est originellement formé en 97 par Jess Hughes et Josh Homme et Tim Van Hamel à Palm Desert, en Californie, en 98, officiellement. Le groupe apparaît pour la première fois sur l'album The Desert Session 3 et 4 de Joe Shaum. Mm-hmm. D'ailleurs, Apparemment, Josh Homme serait en studio avec pas mal de ses potes pour reprendre les Desert Sessions. Pour ceux qui connaissent, moi je connais, je suis assez fan de Desert Sessions, j'adore ce qu'ils faisaient. Et voilà, ils sont apparemment. C'est des rumeurs, mais ça paraît très véridique. Donc plutôt content, pour ma part. Voilà, une partie des attentats, forcément, du 13 novembre 2015 à Paris. Oui. Attaque terroriste, puis meurtrière. Voilà, se déroule lors de leur concert. Bon, on connaît vraiment Eagle of Death Metal pour ça. Maintenant, oui. Voilà. Principalement, ouais. Je pense que malheureusement, parce que à la base, c'est un groupe de musique. Ok, Jess Hughes est un gros con. Ah, merci, voilà. Parce que musicalement, c'est bien. Voilà, c'est musicalement, c'est sympa. Enfin, ouais. Pour ma part, moi, bien aimé le premier album. Après, j'ai pas trop suivi. Il y a des trucs que j'ai bien aimé aussi, j'ai pas été à fond non plus. Mais, voilà, mais Jess Hughes est principalement connu pour son affiliation avec la NRA. Déjà, ouais. Être un. On sait, voilà, il est pro-Trump ou je sais pas trop dans cet esprit-là, quoi. On va dire. Alors, bon. Est-ce que c'est de la provoque? Pour ce côté, justement, rock'n'roll. N'en tenons pas compte. Parlons de musique, ça. Parlons de musique. Musicalement, alors, moi, vraiment... Est-ce que, du coup, tu as profité de cette chronique pour te plonger dans les autres albums que tu connaissais moins? En fait, on les a. Ça ne répond pas à ma question. Les autres albums. Moi, non, je te dis, je connais le premier et le deuxième album. Ouais. Voilà. Le troisième, je l'ai écouté, je le connais. Mais il m'a moins plu que, par exemple, le premier, que moi, je trouve... réussi. D'accord. Pour un premier album, je trouve que ça va vraiment dans la veine de ce que peut faire Josh Homme avec Queen of the Stone Age et et je trouve que ça c'est un autre projet, c'est un parallèle de ce que peut faire Josh Homme et Jess Hughes, je ne sais pas trop ce qu'il faisait avant ce mec-là, il était VRP je crois avant. D'accord. Ouais. Il faisait 120 kilos, il était VRP. C'était un fan d'armes à feu. Et je crois qu'il a dû avoir un accident, je sais pas quoi. Il a perdu du poids et il a décidé de créer de la musique. Bon, après, voilà, ça reste très vague. Mais voilà. Voilà. Pour moi, c'est vraiment... en fait, ça va en dégradé. Le premier, pour ma part, je l'aime bien parce qu'il est complètement décalé. C'est pas du tout sérieux, quoi. C'est vraiment un album second degré, voire troisième degré. Le deuxième est un petit peu plus sérieux. Donc, tu vois bien qu'ils essayent de faire de la musique tout en restant dans la déconnade. Et le troisième, pour moi, je l'ai trouvé moins intéressant parce que, je sais pas, j'ai lâché l'affaire, en fait. D'accord. Sur le deuxième, je l'ai écouté très, très peu. J'ai vraiment poussé le truc. Mais le seul que je peux encore écouter, c'est le premier. D'accord. Que j'arrive à me passer de temps en temps parce que c'est vraiment troisième degré, quoi. Et du coup, les voir en live? Je serais assez tenté, parce qu'à la base, justement, on devait aller... Oui, à la base, on devait aller... Voilà. Tu connais Parcimonie, hein, oui. Avatar, c'était au dernier moment. Là, c'était au dernier moment aussi. On prend les places pour Eagle of Death Metal. Oh non, je les prends. Bon, le compte n'a pas voulu. Heureusement pour nous. Mais du coup, elle aime plus que toi? Oui, parce que c'est elle qui a acheté le deuxième et le troisième album. D'accord. Moi, j'ai acheté le premier, parce que voilà. Mais en écoutant le deuxième et le troisième, je ne les ai pas achetés. Mais parce que je trouvais que ça valait pas la peine. Du coup, il y a Moonspell en face et Kev Hinn. Voilà. Alors, choix assez cornélien. Parce que je sais que Parcimony va vouloir voir Eagle of Death Metal. Ouais. C'est sûr, parce que c'est un groupe qu'elle a envie de voir depuis qu'on connaît. Donc, depuis 98, en fait, à la création du groupe. Parce d'accord. Étant fan de Queen et de Chaos et de... Et justement de Desert Session et de Mark Lanegan et toute la clique. Voilà. On a forcément découvert ça au tout début de sa création, le groupe. Voilà. Donc, étant fan de la première heure de Eagle of Death Metal, pour ma part sur le premier album et Parcimony sur les autres, en écoutant beaucoup moins maintenant, mais ayant envie de les voir quand même, voir ce que ça peut donner. Sachant que Josh Homme ne sera pas là, c'est sûr. Je sais pas, j'en sais rien. D'accord. Je serais assez tenté d'aller les voir quand même. D'accord. D'accord. Mais je sais pas. Franchement, là, tu vois, je peux pas te répondre clairement. Parce que je vois bien que t'es dans une... Je vois bien que ça te tyrannise. Ouais. Très bien. Parce qu'il y a le côté scène aussi. Je sais pas. D'accord. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. D'accord. Donc on va pouvoir passer au nouveau tirage au sort. Oh là là. Avec son lot de surprises. Scald. Moi je dis Scald. Bah vas-y. Je t'en prie, commence mon ami. Oh, oh, oh, oh, Cradle of Filth. Oh, ah, ça c'est cool. Ah, je vais me replonger dans Cradle of Filth. Ah, ça c'est cool. Ça va me rappeler mon adolescence. Cradle of Filth. Ah mon... Bah, hey, rappelle-toi ce que je t'ai dit l'année dernière. Le dernier album a des trucs pas mal. Hein. Hmm, oh bah écoute. Alors, moi, je tombe sur The Sister of Mercy. Ah bah, j'avais dit que je connaissais pas. Donc, je vais pouvoir connaître. Ouais. Techniquement, c'est l'idée. Bah, c'est ça qui est bien. Complètement ça qui est bien. Le tirage au sort. Hein? Quelle bonne idée. Bah tiens. Je me demande qui c'est qui l'a eu. Il a eu Scald. Il l'avait annoncé. C'est un vrai connard. De toute manière, ça a été comme ça toute la saison. Donc, vivement que ça se termine et que je me barre ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais. Matzine. Dans la fanterie. Oh, bah tiens. Tu connais? J'ai un album, si tu veux. Bah, je sais pas si... T'aimes pas? Ah non, si, j'aime bien. Ah bon. Psychobilly. Encore? Putain, mais je les ai vus deux fois. Birtouf. Ah bah. Comme ça, tu... Birtouf, pardon. Bah, bah, parce que bien, on en sort. Ils comptent pas du tout, c'est que de l'eau. Oui, c'est ça. Avec des bulles. Alors, oh, Dawn of Disease. Dis quelque chose, ça. Ça doit pas être... Ça sent la Temple, ça. Ça sent la Temple sévère. Hein? Ce qui n'est pas... Dernier? Oui, dernier. Déjà. Ça passe ça, vite. Ça va me manquer. bah alors, c'est une série, mais Altar. Sans le R. Altar, moi. Fiend. Tu vois, ça te la coupe. It's a happy day for you. Alors, et mon dernier groupe? Archspire. Archspire? Archspire. Ouais, tu peux le faire là si tu veux. Archspire. Et ben, du coup, je pars sur quatre groupes que je connais pas. Bah, je t'avouerais que moi, c'est pareil, hein. Enfin, non, sauf Cradle, que je connais Cradle un petit peu. Attention, je te partage le document qui a juste le nom des groupes. Hein. Tu ne fais pas ce qui est marqué à côté. Oui, d'accord. D'accord. Je vais rectifier ça. Tout je ça après. Oh. Voilà. Désolé, eh ben, écoutez, c'est la faille. Alors, c'était l'épisode 21. Il en reste donc plus que 3, je crois, de mémoire. Donc, ça fait 1h51 que nous enregistrons. C'est le moment d'arrêter, de partir, car moi, je devrais me coucher dans 15 minutes, potentiellement. Eh bien, tu peux dormir là, si tu veux. Non, je vais rentrer. J'ai de la route, mais je vais rentrer. Du coup, on vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour l'émission du soir, comme on aime l'appeler, l'émission de 21h. C'est marrant, on termine une émission à 21h une semaine, on en commence une la semaine d'après. La vie n'est faite que de... De cycles. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc, sur ce... on vous aime. On vous emmerde. Sabot en bois. Et Non. Fais les choses proprement quand même. Merde, on avait dit qu'en plus les 2 minutes qu'on avait au début, on les... Pas les... Bah, oui. Tu gâches tout là. Après, est-ce que vraiment sabot de bois ça apporte un plus? Parce que mais complètement. Non, parce que la punch... Les gens nous envient. Les gens ont vraiment une vie de merde alors parce que. Oui, eh ben. Bon, très beaucoup. Bien. Il y en a plus que tu ne penses. On vous aime. On vous emmerde. Sabot de bois. Voilà. Je suis vraiment pas convaincu. Je pense que pour la saison 4, ça va dégager ce truc-là. Parce que... Non, mais ça aurait pu dégager bien avant. Avant ? Bah oui. Pourquoi ? Bah, j'ai jamais décrété que sabot de bois. Mais non, quand ? Mais quand tu l'as fait ? Mais que dalle, regarde, c'est pas sur papier, j'ai pas signé. Commence, tu vois. Merde. Vas-y. On vous aime. Et on vous emmerde. Sabot de bois. À la... Mais non ! Tu dois pas le dire. Ah. Allez, recommence. Ouais. On vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Sabot de bois. Tu vois? Tout de suite, quand c'est moi, c'est mieux. Sabot de bois ou sabot des beaux? Ah! J'arrive à pied par la Chine. Ok. Hier, j'ai mangé une banane. Non, mais je sais pas après. On raconte... J'ai acheté un chalet à Biote. Alors, ce qui m'interpelle, c'est Est-ce que tu les as apprises par cœur ou t'as une bonne mémoire Non, c'est une bonne mémoire pour les conneries. Bah, voilà, pour les conneries. J'ai une très bonne mémoire pour les conneries. Pas de ce qu'il a fait dans la dernière émission. Ah bon, je dis ça. Non, pour les conneries, ouais, non, ça va tout seul. Ça, y a pas... Bon, bah très bien. Bon, bah écoutez, on vous aime. C'est vrai qu'on vous aime. Tu veux pas que je commence hein. Allez, on vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Bisous. Salut. Merci.